Vous êtes toujours à l'écoute du Radioton 2023 de CKRL, notre Radioton du 50e anniversaire. Jean-Sébastien Doré avec vous pour les deux prochaines heures. Accompagné, je suis le directeur de la programmation de CKRL et je suis accompagné de ma prédécesseur et celle qui agira comme garde-fou au cours de la soirée pour ne pas que ça devienne épouvantable avec moi. Salut Jessica Leb. Salut Jean-Sébastien. Non, faut juste dire qu'il y a beaucoup d'informations pour cette émission de clôture. Donc, c'est une petite tradition qu'on a instaurée avec Tania Beaumont. Elle m'a passé le flambeau quand j'ai animé ma première émission de clôture au Radioton. Je fais de même avec toi et tu feras certainement la même chose avec ton successeur, le plus tard possible. Donc tu m'annonces que j'animerai seul l'année prochaine? Bah, je sais pas, c'est si tu veux encore deux mois l'année prochaine, on verra ça après 20h. Après une si longue fin de semaine de Radioton, et je le dis positivement, une fin de semaine chargée en émotions, en divertissement, on a eu des prestations époustouflantes ici à CKRL, des entretiens vraiment intéressants. C'est également un événement de financement, le Radioton, et l'événement de clôture sert à dévoiler à la fin, bien sûr, c'est le point culminant de cette soirée, le montant final qu'on aura accumulé au cours de la fin de semaine, mais on a aussi l'encan à considérer, les différents lots, on va les fermer ensemble au cours des deux prochaines heures, et on fera tout ça ensemble avec nos porte-paroles de cette année au Radioton. Donc, je les nomme, notre porte-parole affaires, M. Robin Plamondon, directeur général de cinéma Le Clap. Salut Robin. Hey, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va bien. C'est mon premier Radioton, ma première clôture. On est vraiment content que tu aies pu être là. On s'est vu seulement aujourd'hui, en fait, au cours de la fin de semaine. On a vraiment hâte de parler de notre relation CKRL avec Le Clap, qui dure depuis quand même plusieurs décennies, je crois. J'oserais dire près de 40 ans. OK. Donc, ça fait très longtemps que CKRL et Le Clap ont des liens communs. Je suis arrivé au Clap en 91, donc un peu après l'ouverture du Clap, quelques années plus tard, et CKRL était déjà présent, donc dans les pages du magazine, donc comme collaborateur média. Et on a un superbe lot avec Cinéma Le Clap, dont on va parler un petit peu plus tard dans l'émission. On est également accompagné de notre co-porte-parole artiste de cette année, Lou-Adriane Cassidy. Salut Lou-Adriane. Allô. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ça va super bien. Toujours, je le redemande, j'aimerais ça bien enfoncer. Toujours aussi nerveux une minute plus tard. Tu as participé à quelques émissions au cours de la fin de semaine avec des concepts vraiment différents. Est-ce que tu as apprécié ton passage à CKRL? On en parlait hors d'onde, tu n'as jamais passé autant de temps dans nos murs. C'est ma deuxième maison. En plus, j'habite à 3 minutes. Fait qu'on dirait la petite marche, là. Oui, mais j'ai trippé, là. J'ai fait plein d'affaires, notamment hier, là, où je sortais un peu ma zone de confort, là, dans, c'est quoi, donc, fréquence d'outre-tombe. C'était incroyable. Je me suis fait lire au tarot. C'est un grand moment. Fait que tout ça, je trippe. Ben, merci d'être avec nous. Et bien sûr, on va parler plus tard à notre porte-parole artisan, Denis Lelièvre. Il va se joindre à nous dans la deuxième demi-heure de cette soirée. Oui, il est déjà là. Il est très fébrile. Oui. Hein, autant vous le dire. Oui. Mais on parlera également à notre autre co-porte-parole artiste de ce Radioton, Paul-André Cassidy, qui ne pouvait pas être avec nous en studio pour cette fin de semaine. On a Paul-André au bout du fil. Bonjour, Paul-André. Elle est sur la tranche téléphone. Dominique Lelièvre, qu'on salue à la mise en onde et qui revient à chaque année. C'est son seul moment de l'année où il fait de la mise en onde et il doit se souvenir de tout. Merci Dominique d'être au rendez-vous. Paul-André, t'es au bout du fil? Oui, je suis là. Allô? Oui. On est très contents de t'avoir, Paul-André. Je sais que tu pouvais pas être avec nous pendant la fin de semaine. Covid oblige. Oui, j'en suis vraiment désolée. Mais c'est pas grave. Écoute, on te souhaite un bon rétablissement, surtout. T'as suivi ça de près quand même. Moi, j'ai été impressionnée. Je pense que Lou y est peut-être pour quelque chose, mais Paul-André est tellement techno. Elle était sur Instagram à faire des stories. Ouais. C'est vrai, elle est venue, elle est passée sur mon balcon, là, par utiliser ma belle-fille. Pour inciter aux gens à donner. Pour inciter les gens à consommer. Non, je connais pas ça, les stories. Donc, c'est effectivement, j'ai reçu quelques téléphones. Ah, allez, je vais faire ça. Ça me semble que ça va être. Ça va aller là pour le Radioton. Je trouvais que ça me semblait la chose à faire. Je peux faire ça. Je suis capable de faire ça. Mais justement, c'est quoi ton regard extérieur sur l'événement? Tu l'as suivi pas mal à distance aussi. Comment t'as trouvé ça? Mais c'est ça. Je suis passée voir un petit peu. J'ai écouté les bouts. Je n'ai parlé avec Lou. Donc, mais c'est toujours l'espèce d'effervescence qui est typique de ce carré, particulièrement du Radioton, qui me fait toujours. Ça me fait toujours plaisir d'entendre ça, juste là, ce que j'entendais quand vous présentez tout le monde, l'énergie, les rires, tout ça, tout ce qui se passe, cette espèce de folie-là qui se passe pendant une fin de semaine complète comme ça, où tout le monde se donne pour que les choses se passent. moi, je trouve ça, puis pour assurer là, le financement de la radio, je trouve ça assez fantastique quand même comme ambiance. On a été en communication au fil de la fin de semaine par courriel essentiellement, oui. et je t'ai dit au tout début, après que tu nous as annoncé la mauvaise nouvelle, en fait, que tu avais la COVID, coudon, est-ce que c'est Carrel, on t'attire la poisse le 17 février à l'événement Retrouvailles à l'hôtel Château-Laurier? C'était une journée de tempête, c'était épouvantable. Vous avez dû revirer de bord votre setlist que vous avez joué en scène, toi et Lou-Adrian, oui. Ton musicien Steve Normandin, pris à... Sur la rive sud, à Montmagny, c'est ça? Ouais. Ouais. Exact. À Montmagny, oui. Il ne pouvait pas se déplacer, donc là, ça chamboulait tout le programme, effectivement. Et là, le radioton qui s'approche et ce qui t'arrive. Donc, hey, on est vraiment désolé. On est vraiment heureux d'avoir travaillé. Pas la poisse, c'est sûr que non, mais c'est sûr que moi, je suis vraiment désolée que ces deux malchances-là tombent sur vous, parce que donc, c'est des trucs qui n'arrivent pas souvent. Puis, là, tout d'un coup, les deux arrivent... avec vous autres, fait que c'est vraiment dommage, ça arrive pas souvent. Et je vais moi, c'est la première vraie COVID hein, depuis toute la pandémie. Là. Je suis passée à travers tout sans l'avoir. Puis... Bon, mais vous nous avez pas tant porté malchance que ça, parce que on a un montant à vous annoncer à 18h, hein, on se rappelle, hein, 50 000 $, l'objectif du Radiotonde, c'est KRL, et à 18h, le montant annoncé par Robin Plamondon, notre porte-parole affaires, est de... Il est à 44 975 $. Wouhou! Moi, j'applaudis. Le petit monde que nous sommes en studio pour l'instant. C'est encore le temps de donner ckrl.qc.ca un don. L'encan, misé sur l'un des 100 lots, à l'encan. Il y a tous ces moyens pour encourager CKRL. Vous avez jusqu'à 20 heures pour que ça soit compris dans le montant final. On veut dépasser le 50 000. Quelque chose nous fait dire qu'on est en bonne voie, mais on compte encore sur vous. Et Paul-André Cassidy, tu as quand même été présente avec nous au cours de la fin de semaine par les réseaux sociaux. Tu nous as également préparé une playlist thématique 50 chansons pour 50 ans de CKRL qui sera diffusée après notre émission de clôture sur les ondes de CKRL. Donc, mais tu nous as aussi envoyé une chanson qu'on écoutera dans quelques minutes, une nouvelle pièce en exclusivité un peu, j'imagine, pour cette soirée. Mais juste avant, la semaine dernière, tu proposais à ton public une toute nouvelle pièce, Le Tube, qu'on a beaucoup apprécié, qui a joué sur nos ondes dans la dernière semaine. Peux-tu nous parler un peu de la genèse de cette pièce-là? Ben, en fait, c'est il y a à peu près 2 ans, quand le projet de Troisième Lien a été annoncé, ben, il se trouve que moi, j'habite vraiment à côté de l'endroit où ça devait sortir. Donc, passer l'espèce de stupeur, puis en disant, mon Dieu, ça va être la catastrophe si ce projet-là se réalise pour le quartier, passer une certaine mobilisation. Après ça, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Des fois, écrire une chanson, c'est un peu prendre une douce revanche sur une situation. Donc, on s'est mis à travailler sur une chanson sur ce thème-là, mais on voulait que ça soit quelque chose qui puisse avoir une vie quand même. Bon, comme si on espérait quand même secrètement que le projet soit un jour abandonné. Donc, on espérait que la chanson puisse vivre plus longtemps que le projet. Donc, on a essayé un angle qui pouvait vivre plus longtemps que strictement dénoncer ce projet-là. Donc, on est parti de ça, on est parti de cet univers-là, mais on a des idées sur quelque chose qui est plus sur tout ce qui est allemand urbain, et donc sur le tout à l'auto, puis donc faire une chanson qui était un peu plus très sarcastique, qui fait comme un éloge vraiment sarcastique de l'étalement urbain, comme si c'était une chose fantastique. Une chanson d'amour, mais en même temps, c'est... Tout est toujours à double sens, donc on a beaucoup ri en travaillant la chanson, parce que c'était quand même de jouer sur tous ces deux niveaux-là, puis toutes les images que ça nous faisait venir, puis les horreurs qu'on pouvait dire finalement, mais comme c'était beau, ça nous a beaucoup fait rire. Et si tu me permets, on va partager cette pièce-là avec les auditeurs du Radioton de CKRL. Donc écoutons ensemble Paul-André Cassidy et Le Tube. Après c'est en char, un matin dans ma cour, endormi, l'été prenait du retard, tu as ri de lui, ressort encore dès demain, de ce trou pour me troubler sans fin. Viens remonter ma bretelle et planter le décor sur le champ. La fumée donne des ailes sous les vents grisants. Emporte-moi avec toi vers le fond, je vais foncer tout droit. Le fleuve au-dessus de nous brouille la radio dans ses remous. Paul-André Cassidy qu'on vient d'entendre avec le tube, son tout nouvel extrait, premier extrait d'un nouvel album à venir. D'ailleurs, on souriait en écoutant la chanson parce que les musiciens qu'on retrouve sur cette pièce, Paul-André, sont des musiciens que vous partagez avec Lou, Pierre-Emmanuel oui. Baudouin à la batterie, Vincent Gagnon au clavier également. Un petit avant-goût sur cet album, est-ce que ça va sortir en 2023? Ah oui, ça sort en 2023, l'automne. On devrait sortir d'autres titres d'ici là, là, mais on va sortir ça vraiment d'octobre. Normalement, ça avance quand même assez bien, donc les prises de son sont toutes faites. On est en train de faire les mix, mastering, le visuel et tout ça. Donc, ouais, ça va sortir à l'automne. Et c'est Alexandre Martel qui a réalisé cette pièce aussi, enregistrée au Pantoum. Est-ce que Lou a un peu d'influence sur ses fréquentations, sur ton nouvel album, Paul-André? C'est les deux, parce qu'en même temps, Vincent, il jouait avec maman avant, quand j'étais une jeune adolescente, à Broche. C'est ça? Fait que c'est un échange. Oui, non, c'est ça, Vincent, ça fait longtemps que je joue avec lui. Il y a eu Étienne Lafrance aussi avec qui je joue depuis super longtemps. Mais effectivement, Alexandre Martel, c'est ça que Lou a quand même eu un impact. Mais on avait travaillé ensemble quand même avec Alexandre. J'avais travaillé avec lui avant qu'il travaille avec Lou, puis qu'il soit avec Lou. Enfin, sur le projet de chanson chuchotée, la première version, il avait été là. On avait travaillé ensemble sur le truc à l'ampli aussi. Donc, je connaissais Alexandre avant qu'il soit dans la famille. D'accord. Paul-André, un dernier mot pour CKRL. On est dans la dernière ligne droite. On le disait, vous avez jusqu'à 20h pour faire vos dons, miser sur l'encan. Qu'est-ce que tu dirais aux gens pour qu'ils encouragent CKRL au moins par un petit don, parce que chaque don compte, hein, on le rappelle. Oui, tout à fait. Ben, en fait, j'ai l'impression que suffit de l'impact de ces dons-là, c'est tellement important pour faire vivre cette radio-là, que cette radio-là fait participe à faire vivre tout un milieu culturel, toute une relève culturelle aussi. Super. Donc, je pense que c'est... Et le Radioton et la radio sont tellement des événements qui sont... Enfin, la radio est tellement importante et le Radioton est un événement important pour soutenir cette radio-là que je pense qu'il faut pas que les gens hésitent, que les gens plongent. Il y a peu de lieux comme ces carrés qui sont des lieux autant d'essais comme ça pour faire... Où les gens qui commencent ou même qui ont une idée, peuvent développer un projet, peuvent essayer des choses, peuvent faire des choses audacieuses, essayer des nouveaux formats. Donc, je pense que c'est vraiment une radio que ça vaudrait la peine que tout le monde encourage. Mais c'est sûr que j'espère que ceux qui écoutent en sont déjà convaincus. Alors, il faudrait juste peut-être à faire un petit effort pour que donner un petit don pour justement qu'on arrive à bien dépasser notre objectif. Du 50 000 $. On n'est plus très loin, on n'est plus très loin. On va terminer avec une dernière pièce toute particulière. Jean-Sébastien, c'est une primeur pour CKRL. Absolument, oui. au cours de la fin de semaine, tu m'as envoyé pour l'André cette pièce, Le Soleil, en me disant que c'est top secret, c'est quasi exclusif, et de la détruire presque après. Tu sais, c'est pas fait pour être c'est pas un simple, ça se veut pas pour consommation commerciale encore. Donc, peux-tu nous présenter cette pièce, nous dire où vous en êtes dans le processus de création de cet album dont la pièce est extraite, donc? Oui, mais c'est un texte que j'ai écrit puis qui a été mis en musique par Ariane Roy. Puis c'est une chanson qui va être sur l'album, justement. Donc, là, on est en train de se faire mixer. Donc, le mix n'est pas terminé. Évidemment, c'est pas encore masterisé du tout. Mais, en fait, c'est vraiment c'est une chanson que j'ai chantée, accompagnée par Lou, au Retrouvailles, au spectacle des Retrouvailles. Puis, j'aurais probablement chanté, dans l'événement ce soir, si j'avais pu être là. Donc, ça me semblait comme, je me disais, qu'est-ce que je pouvais faire là pour être présente malgré tout. Fait que je trouvais que vous pouviez au moins l'écouter, puis évidemment après ça, ben on la diffuse plus parce que il va arriver un jour une version finie. Donc on veut pas que la version non terminée vive trop longtemps, mais on trouvait que ça va être une belle occasion de la faire entendre, de donner une autre idée, un autre aperçu de ce que ça va, à quoi va ressembler l'album. Donc, avant de passer avec l'extrait Le Soleil, on te remercie chaleureusement, Paul-André, d'avoir été avec nous en ce début d'émission de clôture et d'avoir été avec nous tout au long de ce processus-là. T'sais, on se parle depuis le mois de janvier. On a annoncé que vous seriez nos porte-parole, Paul-André et Lou-Adriane, au mois de février. Depuis ce temps-là, on est en contact, on pense à des programmations. Donc, merci d'avoir été là pendant tout ce temps et d'avoir fait la promotion de CKRL et de son apport à la culture à Québec. Ben merci, ça fait plaisir en tout cas. Bonne soirée, on écoute Soleil et Paul-André Cassidy. Soleil sur le lit, ce que le mur réfléchit. La main ne prend pas. Mémoire de l'ombre, tu ne réponds pas. Soleil de midi. Ce feu qui chasse les ombres, le sable s'effondre, miracle qui ronde au creux de tes pas. Nous venons d'entendre, oui, on est passé côté cabaret. Oui, le tube de Paul-André Cassidy. Et on est de retour. Vous en êtes sûrement rendu compte à l'écoute de ces carrières que nous avons traversé dans le cabaret de la station devant une foule en liesse ici pour la suite de l'émission de clôture du Radioton 2023. Donc, nous venons d'entendre le tube et de ce côté-ci, nous recevons Robin Plamondon, notre porte-parole affaires, en fait, du Radioton de cette année. Bonjour, Robin. Hey, bonjour encore. Robin, c'est une journée de bonnes nouvelles pour toi parce que le CLAP a annoncé aujourd'hui qu'il agrandissait, qu'il s'agrandissait du côté de Loretteville. Absolument. C'est un projet qui est démarré depuis plusieurs mois, mais qu'on a annoncé publiquement enfin il y a quelques semaines seulement. Donc, ça commence cet été, l'agrandissement. Et bon, j'imagine que la demande était là pour que vous deviez agrandir. Est-ce que c'est à votre grande surprise ou vous l'aviez déjà dans les plans, cette possibilité d'expansion? C'était déjà dans les plans. On le savait, on s'en doutait bien. On avait mis des options pour pouvoir agrandir. Et puis, on a pu voir aussi que la clientèle était plus diversifiée encore qu'on l'avait présumé. Donc, ça nous permet, en ayant plus d'écrans, d'avoir une meilleure programmation, plus diversifiée encore. Lou, as-tu le temps d'aller au cinéma? Oui, mais je pars à Loretteville, mais je suis allée quelques fois à Sainte-Foy. Mais oui, j'aime bien ça, aller au cinéma, voir les nouveautés et tout. Puis je pense que c'est important, justement, qu'il y ait des grandes variétés de programmation, puis qu'on ait accès à beaucoup de choses. On est dans un peu plus petite ville qu'à Montréal, mais malheureusement, des fois, il y a moins de gens qui vont au cinéma, mais c'est tellement le fun d'avoir accès à voir ces films, des fois plus indépendants, sur grand écran. L'expérience est vraiment différente. Donc, je recommande à tous une visite. Autant québécois qu'internationaux, d'ailleurs. Et il faut mentionner, Jean-Sébastien, le lot numéro 100 à l'encan de CKRL. C'est un beau cadeau que le CLAP fait quand même à CKRL pour son Radioton depuis plusieurs années. C'est deux laissés-passer pour cinéma illimité au CLAP. Oui, tu fais des grands yeux, Lou, je te l'annonce, à Sainte-Foy et à Loretteville. Donc, c'est une valeur inestimable, puisque tant le nombre de fois où vous allez, c'est la valeur que ça prend. Exactement. Robin, on peut se dire, c'est complètement fou d'offrir ça. Oui, bien, on ne l'offre pas à tout le monde. C'est parce qu'on aime beaucoup ces KRL. C'est bon. Mais c'est vraiment un prix qu'on n'offre pas vraiment souvent. C'est des exclusivités, parce qu'effectivement, c'est difficile d'avoir le contrôle. Il faut comprendre que nous, dans le domaine du cinéma, chaque fois que quelqu'un vient au cinéma, évidemment, on verse un pourcentage au producteur, au distributeur. Donc, on assume le coût que cet abonnement-là va provoquer. Donc, on est heureux de l'offrir à CKRL. Puis, on est heureux de voir chaque année qu'on retrouve facilement quelqu'un intéressé à prendre cet élément-là à l'encan. Donc, je pense que c'est très attendu et très couru chaque année. Et écoutez, valeur inestimable. C'est sûr que c'est un beau montant pour la station à chaque année. Je connais des personnes qui ont remporté le lot. Je trouve qu'il est beaucoup trop bas en ce moment. 500 dollars, il partait à 250 dollars. Alors évidemment, merci à tous ceux qui ont misé dessus et qui ont fait monter la mise, mais il est encore temps là, d'ici 20h, on fait monter ce lot pour que CKRL ait un plus gros chiffre encore pour atteindre son 50 000 dollars. Robin, j'ai envie de te demander, des fidèles au CLAP, ça donne quoi la plus grosse fidélité? Il y a des gens qui viennent à tous les jours? Des gens qui viennent à tous les jours, peut-être pas tous les jours, ça c'est un peu, mais je dirais des clients qui viennent au cinéma 3 à 4 fois par semaine, on en a plusieurs. On a des gens qui achètent des cartes de 30 films, il y en passe 2, 3, 4 par année. Donc, des gens qui sont très fidèles, qui voient absolument tout ce qui sort ou presque au cinéma. C'est de voir aussi que nous, on est un cinéma généraliste, donc autant du cinéma québécois, européen que film commercial américain. Et on a des clients qui consomment cette variété-là aussi. Donc, ils vont aussi bien venir voir le film commercial de l'art, mais ils vont aller voir le film plus niché, le film japonais sous-titré. Donc, on a une clientèle qui est très réactive et qui répond beaucoup à notre programmation. Lou, ton genre de film? Mais moi, je suis pour justement cette variété-là dans la vie. Là. Je pensais aussi pour la culture, pour la bouffe, pour le cinéma, pour la musique. Autant un Big Mac que de la gastronomie. Puis autant, c'est vrai, autant Dua Lipa que du noise. Là, je pense que tout... tout existe pour une raison, puis tout remplit certains besoins, puis je trouve ça vraiment une des plus grandes richesses de la vie. Je trouve que c'est cette capacité d'avoir un grand spectre d'appréciation des choses. Fait qu'un Marvel, des fois, puis un film indépendant japonais sous-titré, tout peut être le fun. Mais ton style de prédilection, là, tu te casses pas la tête, qu'est-ce que tu veux aller voir? Je sais, ça, ces questions-là, ça m'angoisse. Je sais, je suis là pour ça. Ben là, non, mais j'ai goût d'aller voir Tar ces temps-ci. Je pense que demain, je vais au cinéma, je vais voir le nouveau film avec Joaquin Phoenix. Là, c'est ça. Je sais pas, j'aime ça voir. Je n'en ai pas. Je suis pas capable. Alors, je veux pas répondre. C'est là qu'on fait intervenir l'expert. Robin, qu'est-ce qu'il y a de bon à voir au clap en ce moment? Ah, mais tout est bon à voir au clap. Oui, c'est OK. C'est ça, ça que je disais, là. Si mais, tu devais lui en recommander un film? Ben, si elle aime les films d'animation, ben, on a deux styles complètement différents. On a le fameux Mario Bros, que tout le monde vient voir présentement. Ah, ça, je l'ai vu, là, avec ma belle-fille. Et on a Suzumi, donc le film japonais sous-titré, qui est présentement à l'affiche, donc qui est un film traditionnel japonais. Donc, c'est vraiment les deux genres d'animation complètement opposés. Mais en même temps, on a Faradar, le film québécois, le film de fiction, donc pas d'animation ici, et dont les créateurs sont de Québec. Donc, qui ont commencé ce film-là, c'est que ça a commencé par un court-métrage il y a 15 ans à peu près, là, avec Tom et ses chums, qui avaient fait un court-métrage de la bataille de Faradar, qui maintenant est un long-métrage. La preuve encore qu'il y a possibilité de créer facilement, il y a possibilité de, quand on a un objectif et un rêve, ces gars-là ont écrit cette histoire-là pendant plus de 10 ans pour réussir à l'amener au grand écran. Donc, Faradar, qui est à l'affiche actuellement, qui vaut la peine. Est-ce que c'est ce film qui a pris une chanson de Gap Paquette à la fin, là? C'est ce film, hein? L'ancien porte parole, c'est Corel, fait que tout est dans tout. Tout est dans tout. Écoute. Voilà, un argument pour aller voir. Et vous avez entendu la pléiade de films de différents styles qu'il y a au clap. Ça vaut la peine de miser. Lot numéro 100, faites-moi grimper ça. Il est à $500. Présentement, on remercie Monsieur Beau qui a misé là-dessus. Oui. Beau, c'est toi? Carbo? Ah, Caroline Boucher, je croyais que c'était Monsieur Beau. Bon, bah alors Monsieur Beau, merci beaucoup. Jean-Sébastien, je pense que c'est le temps d'aller en pause. Malheureusement, mais oui, continuez à miser sur ce lot. Oui, misez de plus en plus, sinon je vais l'acheter. Et si je l'achète, je vais passer mes journées au clap. Et bonne chance, c'est KRL. Hein. Oui, il donc, lâche ça. Misez là-dessus, s'il vous plaît. C'est une menace. Bah, restez là, c'est encore l'émission de clôture jusqu'à 20h. Robin Plamondon et Louis-Adrien Cassidic sont avec nous. Vous écoutez le Radioton de CKRL. Le Radioton vous est présenté par les partenaires majeurs suivants. La boîte à pain, la Corrigan, le bal du lézard, Audiolite, les cinémas Le Clap et l'hôtel Château Laurier. À vos marques, soyez prêts, misez. C'est le moment de miser sur les 100 lots du Radioton 2023 de CKRL. Rendez-vous sur macause.com/CKRL. Livres, BD, hébergement, œuvres d'art, certificats cadeaux, resto-bar, loisirs et plus encore. Découvrez tous les lots et misez dès maintenant sur macause.com/CKRL. Vous avez jusqu'au 30 avril à 20h. Bonne chance! Vous aimez la danse traditionnelle ou voulez vivre une expérience nouvelle? Le réseau des veillées de danse au Québec propose des soirées avec caleurs et musiciens dans différentes localités de la grande région de Québec. Êtes-vous game d'essayer du nouveau? Accessible tout au long de l'année, ces soirées de danse folklorique se tiennent dans toutes les régions du Québec. Rendez-vous au veillées-danse.québec. Un projet du Conseil québécois du patrimoine vivant, réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Dans le cadre du 39e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, CKRL est fier de collaborer à la présentation du concert de Guy Thouin et l'Ensemble Infini le samedi 20 mai 2023 à 15h. Pour tous les détails sur le 39e FIMAV, visitez le fimav.qc.ca. Du 15 au 18 juin, rendez-vous à Tadoussac pour la 39e édition du Festival de la chanson, présenté par Québecor. De Ariane Roy à Vulgaire Machin, en passant par les Sœurs Boulay ou Gab Bouchard, tu trouveras ton bonheur dans la programmation. Laisse la magie de Tadoussac s'emparer de toi et viens profiter du seul festival où tu peux écouter des baleines la journée et des concerts le soir. Billets et passeports sur chansontadoussac.com. On se voit où? On se voit à Tadou. Cette journée du Radioton de CKRL vous est présentée par la Caisse de Limoilou et Première Ovation. Vous êtes un artiste ou une artiste de la relève de Québec ou de Wendake? Première Ovation peut vous soutenir en vous donnant les moyens de créer et de vivre vos premières expériences professionnelles. Plusieurs programmes d'aide sont offerts dans 13 disciplines artistiques. Art littéraire, art multi, art numérique, art visuel, médiatique et métier d'art, cinéma, cirque, danse, design, musique, patrimoine et théâtre. Tous les détails au premièreovation.com. Cette émission vous est présentée par Le Pied Bleu. Vous cherchez une charcuterie artisanale qui propose des produits de qualité exceptionnelle? Alors ne cherchez plus. Venez découvrir Le Pied Bleu. Le Pied Bleu, c'est avant tout un bar à charcuterie spécialisé en charcuterie cuite qui produit un boudin digne d'une appellation d'origine contrôlée. Le Pied Bleu vous offre également des plateaux de fromage et de charcuterie pour vos événements, pique-niques ou réceptions. N'hésitez pas à nous appeler au 88 914 35 54. Le Pied Bleu, la convivialité et l'authenticité en toute simplicité. Vous écoutez le Radioton de CKRL. Je suis là. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission de clôture du Radioton 2023 de CKRL 89.1. on va poursuivre où on en était rendu. À la fin de cette première demi-heure, nous avons avec nous Robin Plamondon, notre porte-parole affaires, et qui est directeur général des cinémas Le Clap, mais également Lou-Adrienne Cassidy, notre co-porte-parole artiste. Avant de te laisser aller, Robin, on aimerait ça te poser une petite question. Pourquoi, selon toi, et puis en regard de ta longue relation avec CKRL, avec Le Clap, pourquoi on devrait encourager les gens à donner à CKRL pour poursuivre sa mission? Bien, je pense que la mission de CKRL est essentielle. Ça permet de maintenir une diversité dans l'offre de radio aussi à Québec. Donc, ça permet à des gens d'accéder à ce milieu-là. Ça permet à des artistes de se faire découvrir une radio qui n'est pas nécessairement obligée à certains standards, comme les radios commerciales. Donc, ça permet vraiment d'avoir une diversité dans notre monde radiophonique à Québec. Et vis-à-vis du cinéma, puisque c'est ce que vous présentez au cinéma Le Clap, bien sûr, sentez-vous que vous avez une relation spéciale avec les auditeurs de CKRL, peut-être à travers diverses émissions axées sur le cinéma au fil des années? Bien, absolument. C'est ce qui nous permet de continuer à offrir ce cinéma-là à Québec. Donc, la diversité que Le Clap peut offrir, c'est les cinéphiles qui le permettent. Et ces cinéphiles-là, il faut aller les chercher où est-ce qu'ils sont. Et ils sont beaucoup dans les radios comme CKRL. Donc, ça nous permet de parler à ces gens-là, de leur montrer, de leur parler des films qu'on met à l'écran. Et ça nous permet, cette action-là, de continuer notre mission d'entreprise et de démontrer qu'il n'y a pas juste du cinéma commercial qui existe. À travers notamment l'émission de cinéma CKRL, animée par Pierre Blais et Anne-José Cameron, hein, Fahrenheit 89.1, le jeudi à 18h. Oui. Et Robin, tu nous disais l'anecdote que pour le lot numéro 100 qui est à l'encan, on rappelle cinéma illimité pour deux personnes pendant un an, ça fait 3 ans peut-être que c'est la même personne qui gagne. Oui, exactement. Il s'est présenté à toi à la soirée retrouvaille des 50 ans de CKRL. Exact, il a développé sa stratégie pour réussir à avoir le lot à la dernière minute. Alors, ceux qui veulent vraiment avoir le lot, restez devant vos écrans jusqu'à la dernière minute, parce que sinon, vous allez vous faire bumper. On est en train d'ébruiter sa stratégie. Non, il t'a dit combien de fois il venait au clap, hein, je pense. Ah, c'est plusieurs fois par semaine. Voilà. Donc, il voit tout ce qu'on présente ou à peu près. Donc, c'est quelqu'un qui aime le cinéma assez pour encourager ses KRL dans ces valeurs-là. Lot numéro 100, il est rendu à 500 $. Carbo, félicitations. C'est notre photographe qui a misé là-dessus. Même dit, je le perds à chaque année. Donc, faites-le. Bah, non, faites pas forcément perdre Carbo, mais en tout cas, profitez-en pour aller miser là-dessus. Un grand merci, Robin Plamondon. Je pense qu'on peut l'applaudir encore une fois. Porte-parole à faire du Radioton de CKRL. Merci beaucoup. On te laisse voguer au cinéma. Merci beaucoup, Robin. On continue avec Lou. En fait, on va défiler quelques lots, je pense, oui. Jean-Sébastien, parce qu'évidemment, on a parlé du clap. Carbo se fait souhaiter bonne chance. Écoutez, le lot numéro 21. Lou, je sais que tu as quand même un agenda bien chargé avec cette tournée bien remplie de ton plus récent album. Oui. Est-ce que le spa fait partie de tes sorties favorites? My God, ben ça pourrait le devenir. Ben oui, j'adore ça. Je me suis fait justement avec Ariane, mon amie Ariane Roy, puis Odile Marmette Rochefort qui fait ses chœurs, les chœurs à Gap Pocket, incroyable chanteuse. On s'est fait un après-midi de girls au spa l'autre fois. Fait que oui, j'aime bien. Ben écoutez, c'est peut-être pour vous le Santo Spa, ben l'eau là. Numéro 21, 4 entrées pour bain de soirée, expérience d'état spa d'inspiration japonaise. Si vous vous demandez pour le Santo Spa, il me semble que c'est sur la rive sud. Oui, merci Carbo. Elle connaît tous les lots, là. C'est incroyable, hein. On va t'engager comme encantrice. Alors, allez miser sur ce lot présentement qui est rendu à... c'est d'une valeur, pardon, de $160 et la mise actuelle est de $120. Donc, ckurl.qc.ca pour miser sur ce lot et vous offrir une sortie détente. Mais j'ai envie de dire, vous pouvez aussi l'offrir à quelqu'un. Là, pensez pas que les lots, c'est juste pour vous. Ça peut être l'occasion de faire des cadeaux. Il y a la fête des mères qui s'en vient. Je pense que c'est un cadeau facile à faire au profit de CKRL d'ailleurs. Bande dessinée, Jean-Sébastien? Oui, il y a deux lots que j'ai devant moi qui m'intéressent beaucoup. Deux lots de bande dessinée, les lots 14 et 15. Donc, je reprends la balle qu'a lancée Jessica. Il y a des fêtes qui s'en viennent, fêtes des maîtres, fêtes des mères, fêtes des pères. C'est des lots de plusieurs beaux volumes quand même. Le lot 14, c'est des BD comics à l'américaine, 6 bandes dessinées. C'est une valeur de $160. Et la mise actuelle et la mise de départ, je crois, est à $100. Et en discutant au cours de la journée avec Jean-Sébastien Grondin, animateur à CKRL, il m'a dit que c'est lui qui avait misé la mise de départ sur ce beau lot de bandes dessinées. Donc, relancez Jean-Sébastien, s'il vous plaît. Faites monter, ça vaut vraiment la peine. Quand même, c'est assez varié. Hein, ce lot de bande dessinée, il y a Harley Quinn pour les amateurs de super-héros, Suicide Squad. On retrouve L'éveil de Marjorie Liu. Connais-tu ça, Jessica? Non, pas du tout. Mais écoute, c'est l'occasion de découvrir effectivement. Absolument. Tout est sur le site de l'Encan, d'ailleurs, si on veut voir les couvertures des albums, etc. Ce matin, Raymond Poirier a présenté une émission de prescription culturelle. En fait, c'était le concept de base, mais puisque Raymond est spécialisé en bande dessinée, il anime La vie en BD à CKRL. C'est devenu un super beau concept autour de la bande dessinée. Il recevait Valérie Levé, qui anime Futur Simple ici. Donc, ils ont parlé de bande dessinée scientifique ensemble et ont... Il a également reçu Dominique Girard qui anime l'émission de sport ici à CKRL. Ils ont pu parler de bande dessinée, de volume traitant du sport. Et vraiment, le succès de cette émission de bande dessinée ce matin me donne le goût de vous encourager. Je sais que vous avez beaucoup aimé le format présenté par Raymond. Donc, allez voir les lots 14 et 15. Le 15, ce lot de bande dessinée, de livres illustrés de type parcours de vie. 3 livres illustrés et 4 bandes dessinées. C'est d'une valeur de $210 et la mise actuelle est à $165. Donc, garochez-vous là-dessus. Il y a des belles découvertes. Je vois qu'il y a des volumes tant européens. Il y a des livres de chez Dargo ici, mais également des bandes dessinées québécoises, en fait, publiées chez Pow Pow, qui vraiment est La Bagnole. Deux maisons d'édition avec qui on ne se trompe pas. C'est toujours des très, très beaux volumes. Donc, les lots 14 et 15. Et je confirme que le lot 14, c'est toujours Jean-Sébastien Grondin qui est là-dessus. Alors, s'il vous plaît, allez miser après lui pour l'enrager un petit peu. Lot numéro 16, c'est aussi un lot de BD et livres illustrés. Alors, pour les mêmes raisons, allez miser là-dessus. Ça va vous permettre de faire de belles découvertes. Et on a parlé fête des mères, fête des pères. Et pourquoi pas Noël, hein, en avance. Moi, j'ai envie de dire, soyons fous, tout au profit de CKRL. Voilà. Bande dessinée, Lou, ça va être la question toute la fin de toute la soirée. Est-ce que tu lis des bandes dessinées? Ça, je t'avouerais que non. Mais en fait, oui, j'en ai lu beaucoup quand j'étais plus jeune. J'ai lu, on avait tous les Lucky Luke à mon chalet. Je les ai tous enchaînés. Astérix, puis Tintin. Mon grand-père, il me disait tous les Tintins, Astérix. D'un esprit de famille chez ma grand-mère, il y avait plein de Mafalda. Puis quand c'était plate, je m'en allais me cacher derrière le divan, puis je lisais des Mafalda. Mais j'avoue que quand même par passe, là, mais j'avoue que BD, ça a pas fait la cote, comme on dit. Il y a des découvertes. Mais misé quand même. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est à redécouvrir la BD exact, pour adultes. Voilà. Oui, c'est vrai. Ah, mais j'ai eu la BD que j'ai pas encore commencé. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Puis ça, j'étais très intéressée à la lire, qui est sortie il y a quelques années, qui avait l'air magnifique, mais j'ai pas encore eu le temps de m'y attarder, en tout cas. C'est intéressant. Mais voilà. C'est pour dire en tournée. Il va falloir amener les BD en tournée. C'est ça. Mais j'avoue que c'est plus facile d'amener un petit livre de poche qu'un gros, un gros album. Lou, on va t'entendre en performance tout au long de l'émission de clôture également. Je te dirais qu'on va commencer avec tes plus anciennes, si ça te convient. D'accord. Donc on est sur Poussière, par exemple, cette chanson. Tout premier album, premier album solo qui est paru en 2019 de mémoire. Comment t'as vécu ça, là, avec du recul maintenant, parce que ce deuxième album que t'as fait paraître l'an dernier déjà, oui. Oui, ça fait... Non, novembre 2021, je crois. Oui, ça fait deux ans, bientôt. Ouais. Ben non, en fait, en novembre 2023, ça va faire deux ans. C'est fou, ça passe vite, mais tu veux dire mon regard par rapport à mon premier album, parce que quand même, on est dans quelque chose de beaucoup plus rock dans cet album. Lou-Adrienne Cassidy vous dit bonsoir. Le premier était peut-être plus raccroché à la variété, j'allais dire, plus chansons en tout cas. Ouais, ben je crois que j'ai beaucoup découvert plusieurs aspects de, je sais pas, de mes envies créatrices d'écriture de chansons, de scène aussi. C'est comme si je réalise qu'à cette époque-là, je pense que je croyais que ce que j'écrivais, c'est la seule chose que je pouvais écrire, c'est la seule chose que j'étais capable de faire. Puis je pense que j'avais quand même il y a certaines chansons que j'apprécie encore puis que j'aime encore chanter puis qu'on les a peut-être un peu remaniées pour retrouver ce plaisir aussi, mais j'ai l'impression que j'ai un regard, c'est sûr que c'est ça. Le regard qu'on a sur les anciennes choses qu'on a faites parfois est plus dur que le regard d'autres personnes. Je me sens très différente de cet album-là. Puis en même temps, je pense que peut-être dans les prochaines années, peut-être que je vais m'adoucir puis je vais venir à l'apprécier pour ses qualités aussi. On dirait que je suis encore en réaction par rapport à ça, à cet album-là puis à ces chansons-là. Mais qu'en même temps, c'est ça. C'est le défi de tout artiste qui avance, je pense, dans sa mais discographie. Mais surtout le premier, tu vois, parce que c'est comme si je me suis rendu compte après que je pouvais être plus satisfaite de ce que je faisais, être plus heureuse, aller plus au bout des choses. Puis j'ai découvert ça pendant le processus du deuxième album. Donc je pense que c'est ça, c'est une grande aventure que toutes ces découvertes. C'est la fin du monde à tous les jours, premier album paru en 2019. Alors, je te propose que tu nous joues les deux extraits de cet album que tu avais choisi pour ce soir, Poussière et Ça va, ça va. Oui. Alors, on te laisse t'installer. Lou-Adrienne Cassidy qui est avec nous. On ne l'a pas rappelé, Jean-Sébastien, mais si les gens veulent venir nous voir à CKRL, on peut rappeler l'adresse? 405 3e Avenue, c'est au coin de la 3e Avenue et de la 4e Rue à Limoilou. On vous attend, il y a des chaises ici, il y a des ballons partout. C'est vraiment festif. Les vrais restent jusqu'à la fin, là. Et j'ai envie de faire quelque chose, là, parce que moi, je mise pendant l'émission de clôture, Jean-Sébastien. Puis moi, l'un de mes lots préférés, c'est le lot numéro 3, le lot d'Amasan. Deux massages sur table, amas, de 90 minutes chacun. Le lot est rendu à 110$. C'est d'une valeur de 160$. Alors, je le fais en direct. Désolée, monsieur ou madame Grégoire, je mise 120$ pour CKRL. Voilà. On peut applaudir maintenant notre invité, notre co-porte-parole artistique, Lou-Adrienne Cassidy. Mais là, je disais que là, j'aimais pas mon premier album, puis tout, mais je parlais de mes questionnements intérieurs, mais j'ai encore de l'amour pour ces vieilles chansons. On perd souvent nos bumpers. Soit on roule, soit on s'écarte. On avance plus lent qu'on pense. Quelque chose nous dépasse les pulsions du corps. Passe vite les faux départs. Passent les jours en jachère, les amours amers. Sors dehors, on respire mieux. Quand on pourra faire de mon corps un collage de poussière, quand j'aurai habité mon corps, enfin je saurai quoi. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. perdre des plumes en automne, prendre le large en été. Je pleure en alligator, je m'apitoie sur mon sort. Dehors, on respire mieux. Quand on pourra faire de mon corps un collage de poussière, quand j'aurai habité mon corps, enfin, je saurai. Peut-être je saurai quoi faire. C'est toi tout de suite, c'est ça? Oui, ok, parfait. Cet arrangement musical est tellement beau. Ah, merci, c'est gentil. Et si je n'ai pas d'enfant, alors c'est quoi? Alors c'est quoi? Et si je n'ai pas d'amant, alors c'est quoi? Alors c'est quoi? Si je suis seule dans la vie, c'est quoi la vie? C'est quoi la vie? Si je perds tous mes amis, alors c'est quoi? Alors c'est quoi? Là, je sais pas. Fais-toi un peu. Ça va, ça va. Si je fais rien de ma vie, c'est quoi la vie, c'est quoi la vie? Si je meurs et qu'on m'oublie, alors c'est quoi, alors c'est quoi? Là, je sais. Fais-toi un peu, là, juste pas. Ça va, ça va. Comme mes parents qui ont pleuré en m'accouchant. Comme mes enfants qui sont morts-nés en m'accouchant. Quand je suis seule, je suis pas seule, je fais comme si j'étais avec moi. Je prends l'oreiller dans mes bras, t'es encore là, t'es encore là. Là, je sais pas. Fais-toi un peu. Ça va, ça va. Ooh. Lou Adriane Cassidy, ça va, précédé de poussière. Jessica m'a parlé juste avant l'émission du fait que tu avais dit que ça va, c'est un peu ton hit. Donc, c'est la chanson qui te précède un peu dans certains médias. C'est l'extrait qu'on choisit naturellement pour te présenter. Les gens chantent beaucoup la chanson absolument, aussi par oui. cœur lors de ces spectacles. Ouais, c'est beau quand ça arrive. Mais ouais, c'est fou. En plus, c'est la première chanson que j'ai sortie en 2017. Là. C'est comme la version single que des gens aiment encore, mais qui, justement, comme je parlais, de la misère à accepter les choses du passé. Moi, j'ai bien de la misère avec cette version-là. Mais en même temps, c'est une chanson que j'apprécie tellement. Puis c'est le premier cadeau que j'ai eu de quelqu'un. C'est le deuxième cadeau, mais c'est le premier truc que j'ai sorti. C'est Philémon Simon qui m'a écrit et composé cette chanson-là. Okay. Donc, à l'époque, je voulais être interprète. Là, c'est un peu le début de toute ma démarche. C'est un peu à la base de tout, en fait, de tout ce projet-là. Fait que j'ai beaucoup d'affection pour la chanson encore. À ce jour. Trouves-tu que tu vis un peu dans son ombre ou t'as passé outre maintenant avec le nouveau matériel? Non, mais je pense, c'est niaiseux, je pense que le fait que ce soit pas moi qui l'ai écrit, ça fait que j'ai pas cette espèce de frustration-là d'avoir évolué puis d'être plus loin puis de plus l'aimer. C'est comme la chanson, je l'aime encore tellement. Je trouve encore qu'il y a vraiment mis le doigt sur un sentiment que j'avais puis j'ai encore peut-être maintenant cette espèce de... je sais pas, là, d'angoisse un peu de vivre tous ces questionnements-là que je vis encore plus à 19 ans que maintenant, mais je pense qu'il va me suivre toute ma vie puis qu'il suit beaucoup de monde aussi. Fait que, ouais, je sais pas. Puis justement, le fait que tout le monde la chante en spectacle, c'est comme tout le temps un moment vraiment spécial pour moi, tous mes shows. Fait quoi. L'émotion, c'était beau. On reviendra sur le spectacle à l'Impérial. À l'Impérial, j'ai pleuré. Ah oui, on l'a vu, on avait envie de pleurer avec toi. Non, mais c'était un grand moment. Puis je pense que chaque artiste de Québec qui fait cette salle-là pour la première fois, il y a une émotion particulière que j'ai vécue aussi à Gab Paquette, par exemple, où plein d'artistes de Québec étaient dans le public, les gens étaient là spécialement pour l'artiste. Puis on sentait que c'était une étape dans votre carrière, un rêve qui s'accomplissait, c'était vraiment quelque chose. Vraiment, mais là j'ai comme des petits frissons quand t'en parles. Mais pour vrai, c'est ça. Moi, j'ai vu des spectacles là, des gens que j'admirais en avant, avoir chaud au festival d'été. Je sais pas, c'est vraiment spécial de pouvoir être sur la scène pour faire ses propres chansons, puis que les gens ils soient venus pour voir mes chansons. C'est vraiment encore maintenant, ça reste dans les mais encore maintenant pas en ce cas. C'est mon mes derniers spectacles, mais je veux dire, ça va rester dans mes spectacles les plus... j'ai pas, encore maintenant, ça m'a laissé une grande impression, une grande émotion. C'est ce que je voulais dire. Jessica, on a deux lots qui n'ont toujours pas de mise. Je les ai présentés vendredi soir avec mon sens de la logique super super fort. Je les ai présentés en deux gros solos de blues pendant Rue d'Auteuil. Très bien. Je ne crois pas leur avoir rendu service. Peux-tu nous les présenter, ces lots 25 et 28? Je les trouvais super beaux. Ça me tentait de les présenter, mais je crois que c'était peut-être pas le moment. Donc, donnons-leur un petit push. C'est vraiment des super beaux lots. Et Jean-Sébastien, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'un lot où il n'y a pas de mise, c'est un lot perdu pour CKRL. Hein? Donc, quoi qu'il en soit, misez là-dessus, offrez-le. C'est toujours un don pour CKRL. Alors, le lot numéro 25, lot de la commission de la capitale nationale, c'est simple. C'est si on veut se refaire toute sa culture sur la ville de Québec, son histoire. C'est une sélection de 15 volumes, notamment sur l'histoire du vieux Québec, Jean Béliveau, la naissance d'un héros, nos champions, les arbres remarquables de la capitale, également un siècle de symphonie à Québec. Bref, franchement, si on veut se refaire toute sa culture, c'est bon, on peut se le répartir en famille. Et pour l'anecdote, je pense que Caroline Stephenson l'avait acheté, oui, je pense qu'elle l'a dit pendant la fin de semaine, et elle le mettait à disposition de voyageurs qu'elle recevait à la maison. Je trouve que c'est une très bonne idée pour se familiariser. En Europe aussi. Ambassadrice Caroline Stephenson. Porte-parole du Québec, on va la perdre, elle va partir en politique. Alors, c'est une valeur de $350 pour la sélection de 15 volumes, mise de départ $175. Sérieusement, si vous voulez faire des cadeaux, vous avez 15 personnes là que vous pouvez gâter un volume chacun. Donc, misez tout de suite, c'est krl.qc.ca. Et dans le même genre, le lot numéro 28, presse de l'Université Laval, 9 nouveautés à découvrir. Encore une fois, c'est très, très varié sur l'histoire et la culture. Écoutez, c'est très spécifique. Là, je pense que c'est pour des gens qui aiment ça, avoir des connaissances très, très fines. On a une lecture impériale de la résistance de 1837 et de sa répression, le rapport Ogden, Jean-Sébastien. Oui. Oh, il faut aimer les notes en bas de page pour miser sur ce lot. Mais pourquoi pas, si vous aimez, s'il y a des gens qui sont amateurs de pub quiz, qui sait, ça peut se retrouver dans un quiz. Également un autre titre, La valeur de la vie humaine en Russie. Alors, pas la période actuelle, mais 1836-1936. Bon, voilà, je pense que si on veut approfondir ses connaissances, c'est le lot numéro 28, d'une valeur de $200, prix de départ $100. Donc, vraiment, des lots assez insolites. Absolument, et je vois devant moi le lot numéro 1, musique de chambre à Sainte-Pétronille, et on en fait un prétexte pour recevoir notre porte-parole artisan de cette année, M. Denis Lelièvre, animateur à CKRL depuis 1973, depuis les tout débuts. Salut Denis. Salut Jean-Sébastien, salut Jessica. Comment allez-vous? Ça va bien, brûlé, mais ça va bien. On aura amplement l'occasion de discuter avec toi du déroulement de la fin de semaine, c'est de vrai? Ta participation oui, dans l'élaboration du Radioton, de oh. ta participation comme animateur également. Mais peux-tu nous dire, je pense que tu es mieux outillé que moi pour décrire ça à nos auditeurs, mais qu'est-ce que musique de chambre à Sainte-Pétronille? L'eau numéro un. L'eau numéro un. Ben, c'est la musique classique. C'est oui. très, très, très, je dirais... érudit, de qualité, de haut niveau. Tu sais, des fois, l'été, c'est une occasion pour laisser nos trois grands organismes, à savoir l'Orchestre symphonique de Québec, les violons du roi, le club musical. Il y a entre autres l'offre du domaine Forget, Charlevoix. Mais si on trouve ça trop loin, c'est tout près ici. Mm-hmm. On a vraiment de très grands artistes de musique classique, québécois et même étrangers. Parfois des pianistes en solo, des duos. Et c'est à côté, et sur le contexte, c'est très, très charmant. Et si, ça a peut-être écopé un petit peu, comme d'autres choses, de la pandémie, là, comme c'est notoriété, bien. Mais moi, je trouve ça extraordinaire en termes de qualité, en termes de musique classique. Il y a des pianistes de Québec comme Jean-Michel Dubé, par exemple, et des pianistes comme ça. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Oui, le lot, c'est pas rien. C'est un abonnement double pour les 6 concerts de la programmation été 2023 d'une valeur de $390. La mise actuelle est à $120. Hey, ça vaut beaucoup plus que ça, la programmation Mais... entière. Oui, c'est ça. Alors, on fait la virée à l'île d'Orléans. On offre ça à des proches qui sont amateurs de musique classique. C'est parce la fête c'est quand des même mères, six concerts. C'est la fête des pères. La fête des grands-mères, la fête des grands-pères. La fête des animateurs de radio aussi. Et oui. Et puis, franchement, pour aller à l'île d'Orléans, profiter de ces concerts, bonne bouffe aussi à l'île d'Orléans. Ça vient de monter. Ça vient de monter. Merci à la mise de $215 qu'on vient de recevoir. Bravo, bon. Merci beaucoup. C'est grâce à toi, Denis. Je pense que c'est l'heure de faire une autre pause, Jean-Sébastien. Oui. Donc, on se retrouve après cette courte pause avec Denis Lelièvre, mais également Lou Adriane qui reste avec Toujours. Nous. On poursuit notre discussion et on vous présente encore quelques lots qui ont besoin de votre amour sur les ondes de CKRL 89.1. Le Radioton, c'est maintenant. Bam! Le Radioton vous est présenté par les partenaires majeurs suivants. La Boîte à pain, la Corrigan, le Bal du Lézard, Audiolite, les cinémas Le Clap et l'hôtel Château-Laurier. La Maison de la coopération et de l'économie solidaire de Québec vous offre 4 salles en location qui vous permettent de tenir vos rencontres en présentiel, en virtuel ou les deux à la fois. Elles peuvent accueillir de 10 à 100 personnes et ce, 7 jours par semaine. Disposition modulable, plafond haut, proximité des transports en commun, parc à vélo intérieur, stationnement facile et Wi-Fi. Pour plus d'informations ou pour faire votre réservation, visitez mazon.coop. À vos marques, soyez prêts, misez. C'est le moment de miser sur les 100 lots du Radioton 2023 de CKRL. Rendez-vous sur macause.com/CKRL. Livres, BD, hébergement, œuvres d'art, certificats cadeaux, resto-bar, loisirs et plus encore. Découvrez tous les lots et misez dès maintenant sur macause.com/CKRL. Vous avez jusqu'au 30 avril à 20h. Bonne chance! Cette émission vous a été présentée par le Pied Bleu. Vous cherchez une charcuterie artisanale qui propose des produits de qualité exceptionnelle? Alors ne cherchez plus. Venez découvrir le Pied Bleu,

de faire la sortie. Mais on dirait qu'à l'époque des ploufs. Je trouve que ça fait penser à la famille Plouf. Il y a un la petit quelque fiche. Chose de nostalgique, effectivement, hein? D'une autre époque un peu. Volontairement. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Mais Félix Girard, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as eu la commande, bon, assez rapidement? Qu'est-ce qu'on t'a dit quand il fallait imaginer la nouvelle affiche du Radioton? Parce que là, on est vraiment parti d'une nouvelle page blanche pour imaginer cette affiche du 50e. C'était quoi les indications que tu avais? Ben, tout simplement qu'il fallait que ça représente le quartier, que ça représente aussi justement un peu plusieurs époques de CKRL, parce que ça fait 50 ans que CKRL existe dans le quartier, puis que c'est comme un vraiment un peu le cœur du quartier Limoilou. Donc, c'était d'essayer de représenter ça dans une image, là, de montrer à quel point la radio a eu un impact sur les résidents du secteur là, de différentes façons. Puis, c'est ça, j'ai essayé de mettre plein de petits éléments un peu cocasses, c'est ça qui représente les différentes générations. Là, Il y a un gars ou une fille qui entre avec une guitare. Oui, c'est ça, ben oui. Puis, tu as ce fameux banc où nous sommes tous devant la station. Oui, c'est ça. avec les personnes qui discutent sur le banc toujours. Mais c'est pas juste réaliste. Ouais, non, c'est ça. Ben non, parce que je trouve que dans la réalité là, c'est ça du quartier, on peut se laisser porter par l'imagination, puis voilà, après ça, voilà. J'aime beaucoup jouer justement avec à la limite entre justement le réel et l'imaginaire, puis nous transporter J'adore. Un peu dans un autre univers, un peu. Là. Ouais. Mais tout y est, hein. Le triporteur, le vélo, l'enfant qui regarde par la fenêtre de la radio, les poussettes, bon, les passants, les chats de Limoilou, oui. les livreurs. Ouais. Enfin, moi, personnellement, j'habite dans Limoilou, je travaille dans Limoilou depuis 10 ans maintenant avec CKRL, puis franchement, j'ai regardé ça, je dis, mais c'est tellement notre vie quotidienne là-dedans. Lou, t'habites le quartier aussi, hein? Oui, j'habite à 4 minutes à pied. Et alors? Ben non, mais qu'est-ce c'est que vrai. Ça t'évoque? Qu'est-ce non, que tu mais, en penses? T'as raison. J'habite sur la rue. mais non, mais oui, c'est vrai, c'est magnifique. Puis je comprends tout ce que tu veux dire. Moi, je trouve ça intéressant aussi cette ligne fine entre la réalité et la fantaisie. Je pense que c'est tout le temps l'équilibre qui est intéressant dans l'art en général. Oui, parce que c'est ça. Ben, il y a l'immeuble de CKRL qu'on reconnaît, mais. Le reste des bâtiments, évidemment, c'est pas exactement les bons bâtiments. Ça pourrait être le coin de rue, j'ai pas choisi. Un peu oui, dans c'est le... ça. Il faut toujours que je triche un peu. Puis c'est ce que l'illustration permet aussi, finalement, là, dans le fond, par rapport à la photo. Là, c'est ça, mais il y a justement une émission en cours de route avec entrevue et tout ça. Ben oui, c'est ça. Et les teintes de jaune illustrent le plaisir. Oui, c'est ça. La chaleur de la chaleur. Discussion. Et oui, bien, les amis de CKRL vont sûrement avoir envie d'arracher les affiches un peu partout dans Limoilou pour les garder à la maison. Mais les amis qui veulent contribuer à la pérennité de CKRL peuvent aussi les acheter. Des impressions de cette œuvre-là créée par Félix Girard. C'est 4 lots dans notre encan de cette année. 4 magnifiques impressions de cette œuvre de Félix. Les lots 69, 70, 71 et 72. C'est en deux formats. Hein? Il y en a 4 dont... Deux duos de même format. C'est ça, il y a 2 11-14 encadrés par les trafiquants d'art ici sur la 3e avenue à Limoilou. Puis il y a 2 24-30. 24-30, c'est quand même un gros format. Là. Il faut avoir la place pour le mettre, mais c'est ça sort vraiment bien. Là. Et c'est pour combien, Jessica? Ben écoute, les lots sont très, très populaires parce que c'est une valeur de 300 $ pour les lots 69 et 70. On est rendu respectivement à 180 $ pour chacun d'entre eux. Et les lots 71 et 72, des mêmes dimensions, valeur 500 $ et mise actuelle de chaque côté de 275 $. Je sais, on se les fait beaucoup réclamer. Pensez à miser sur les lots, mais il y a aussi la table de marchandises. Je sais que si vous passez au 405 3e avenue d'ici 20h, on pourrait vous vendre des t-shirts noirs ou blancs avec l'illustration de Félix Girard. Passer de l'affiche, de l'encadré au t-shirt, là, c'est un autre effet encore. Hein? Oui, mais c'est ça, c'était une commande là, de Simon et Dany dès le départ, en fait. Là, et ils m'ont demandé que ça puisse servir justement pour des articles promotionnels à vendre. Donc, moi, j'ai tout simplement retracé, en fait, l'illustration que j'ai faite pour que ça puisse être imprimé directement sur des... Sur des articles comme des t-shirts, des choses comme ça. C'est des produits dérivés. Mais il y a quelque chose de plus que les t-shirts cette année. Il y a, comment on appelle ça, avec des boutons, ça fait un peu plus chic, là. Ah, je ne les ai pas vus. Un polo, tout simplement un polo. Alors là, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Toi, tu veux être plus chic, Denis. Moi, je veux être un peu plus chic, avec mon âge. le vénérable. Alors, gare au chez vous à la table de marchandises, 405 3e avenue. Félix Girard, pour ceux qui se demandent s'il y a un air de similitude avec une autre entreprise de Limoilou, c'est aussi toi le gars des étiquettes de bière de la souche. Oui, c'est ça, c'est mon deuxième nom, le gars qui fait les étiquettes de la souche. Et Limoilou a été représenté plusieurs fois sur ces étiquettes aussi. Oui. Ben oui, non, c'est ça. Ben, la souche, c'est une entreprise bien, bien implantée dans le quartier. Puis c'est sûr que beaucoup des bières de la souche ont des noms qui représentent en fait des rues ou des secteurs de Limoilou. Donc, c'est sûr que ça encore là, mes illustrations ben, ça, représentent différents aspects du quartier. Là. Et enfin, j'aimerais qu'on termine sur une actualité parce qu'évidemment, ton univers, on se dit, c'est parfait pour illustrer des livres jeunesse aussi. Mmh. Ce que tu fais déjà depuis très longtemps et le plus récent, c'est Clément Ader, l'homme qui voulait voler. Oui. Dans l'histoire de l'aviation, une figure très importante. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un que je connaissais pas. C'est un ingénieur français qui a été un des premiers à faire voler un appareil plus lourd que l'air, en fait. Lui, finalement, il a inventé, là, c'est ça, une espèce de petit moteur qui était assez performant pour être capable de faire voler sur 50 mètres environ là, un espèce de petit planeur qu'il avait fabriqué. Puis c'est son histoire, finalement, en livre jeunesse, mais Lysatis, la maison d'édition avec laquelle j'ai travaillé pour ce livre-là, font beaucoup des livres comme ça, inspirés de parties de l'histoire sur des, dans le fond, des espèces de petites biographies historiques, là, puis racontées aux enfants. Donc, c'est très sympathique, ça permet de dans le fond d'expliquer aux enfants comment certaines choses se passaient à l'époque, pour comment dans le fond l'avion est né, puis à quel point en fait les gens à un certain moment étaient même pas capables d'imaginer à quoi ça pouvait servir de voler. Finalement, on voit ça un petit peu dans le livre. Donc c'est un petit livre très intéressant qui vient de paraître, qui est disponible un peu partout dans les librairies. Avec Katia Canciani, ouais, Canciani, ouais, donc ouais. Tu as travaillé sur ce livre, Clément Ader, l'homme qui voulait voler, mais sincèrement, tu es très occupé. Merci beaucoup d'avoir laissé une place à CKRL dans ton travail cette année. Merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir. On peut l'applaudir encore une fois. Merci infiniment. Jean-Sébastien, il y a encore des loups, hein, évidemment, à l'encan, on va en parler jusqu'à 20h. On a envie de faire un clin d'œil à David Rocketship, notre animateur de rock'n'roll. Il est là? Mais oui, j'ai fait le venir, sérieusement. Okay, David! David, viens. Lot numéro 34! C'est pas David qu'on peut gagner, par exemple. Non. J'entends des Salut, David! Salut. Ben vas-y, je vous laisse vous entraîner. Vous connaissez bien avec Jean-Sébastien, vous avez été co-animateur. Ben oui, absolument. Il y a quelques... Ça fait un an ou deux que tu as commencé à faire ça, des planches. Oui, c'est ça, exact. J'ai commencé l'année passée. En fait, ils sont fabriqués dans une manufacture là, qui est ici à Québec. Puis moi, je fais le artwork, là. Je fais le design, je m'amuse avec ça. C'est vraiment pour... le but, c'est vraiment pour pouvoir m'amuser à exprimer ça, puis pouvoir fournir mes amis. C'est un cercle assez rapproché d'habitude qui a accès à ça. Et les deux planches que tu offres à l'encan cette année, c'est le lot 34. Peux-tu nous décrire les deux planches? Elles sont magnifiques, elles sont dans le bureau à Danny ici, on les a vues. Cool. Ouais, ben c'est ça, ces deux planches pour les specs là, c'est un concave qui est prononcé, donc les skateboarders vont comprendre ce que je veux dire. 8 pouces et quart de large, il y en a une qui est un modèle traditionnel en forme de popsicle si on veut là, bon rond à l'avant, rond en arrière comme ce qu'on voit souvent dans les skateparks. L'autre un tail, donc la partie arrière est plus carrée, donc ça donne un look un petit peu plus vieux style, mais c'est quand même des specs là qui sont modernes là. Donc c'est vraiment deux skates de haute performance là, professionnelle. Donc, des skates fabriqués à Québec et illustrés à la main par toi-même, David Rocketship, par un procédé de linogravure qui rend les planches uniques. Le prix de départ était de 75 $. C'est d'une valeur de 150, là, deux planches. Oui, c'est ça. Come on. La mise actuelle est à 85 $. Miser là-dessus. C'est vraiment beau. C'est magnifique. J'entendais au cours de la journée la description de nos encanteurs que je salue, hein, Louli et Christophe, qui disaient que ça peut tant servir à en faire de la planche, hein, on peut s'en servir, mais ça peut aussi servir de décoration murale magnifique. Donc, je vous invite, parce que mon bon ami David, mon co-animateur, a fait un sacré beau travail. Allez voir ça. Déjà, allez sur la page de CKRL pour voir l'encan. Mais je vous invite à aller miser là-dessus. C'est de magnifiques planches. Et vous retrouverez en plus David au skatepark. Ben oui, c'est absolument. Ben ouais. Quand on se croisera au bol du parc Victoria, vous viendrez me faire un high five. Oui, d'une amitié ben oui, avec toi. Là. Après, vous serez invité dans son émission. Toute une grande histoire qui s'annonce avec le lot numéro 34. Strange World de David Rocketship. Hey, merci d'être venu. Tu es venu en skate. Ben là, il pleut, je suis à pied. Ah, ok, bon. Cassez mon mythe. Mais le mercredi à la Corrigan, quand il vient faire ma régie. Toujours. Il est en toujours, skate. Toujours. Hey, 9 minutes hein, de Saint-Sauveur à Limoilou, à la station en skate. Oui, oui, 9 minutes, c'est vrai. C'est plus rapide qu'en auto, c'est vrai, vrai. Là. Pas de stationnement. On met la planche sous le coude et on rentre. Merci, David, d'être venu. Grand plaisir. On peut l'applaudir aussi pour sa générosité. Waouh. Est-ce qu'on ira en musique, Jean-Sébastien? Miguel, oui, oui, Miguel. Oui, Miguel, 50 ans, c'est le cas de le dire, c'est l'occasion de miser. On a déjà Milou sur sa guitare parce que oui, c'est aussi l'occasion de l'entendre en performance tout au long de cette soirée de clôture. Qu'est-ce qu'elle nous réserve, Jean-Sébastien? Ah, pardon. Le titre de la chanson. Oui, oui, la prestation. Oui, c'est un extrait de ton deuxième album. C'est laquelle déjà que j'ai dit? Ah oui, c'est ça. Ouais. Faut qu'on le dise, parce que c'est vrai qu'on a remanié le truc. Oui, donc oui, on l'a bougé un petit peu. C'est un extrait de Louis-Adrien Cassidy vous dit « Bonsoir » paru en 2021, la pièce « Entre mes jambes ». Oui. Ah ben, maudit. Ben oui. Ah ben, maudit. OK, parfait. C'est bon, je suis prête. Chance, vous êtes là. Nos yeux ne se cherchent pas, alors nos yeux ne se trouvent pas encore. À demain, la guerre est finie. Parfait, la guerre. Adrienne, qu'est-ce qu'il dit entre mes jambes? Merci, Louis-Adrienne. Merci à vous autres. Une belle sexualité, j'allais dire. Une belle sensualité dans cette chanson. Mais tu sais... Non, mais attendez, là, vous riez. Moi, j'ai écouté l'album, puis il y a quand même beaucoup de sexualité dans cet album. Ben oui, ben oui. Mais Lou, c'est un thème récurrent, disons-le. On va te donner un répit, tu vas pouvoir revenir avec nous. On va se réserver la chanson pour la prochaine. Oui, c'est tout. J'imaginais que je l'accompagnais avec une Fender Bass. Je ne sais pas jouer, mais dans ma tête, le son extraordinaire. Grosse Fender Bass. ronflante. Avec l'imagination, on peut faire beaucoup de choses, Denis, merci. Juste Fender Bass. Juste Fender ouais, Bass acoustique, ouais. Ouais. Denis, la prochaine fois. On a un montant annoncé à 19h15. Ouh, je vous rappelle que c'est un objectif de 50 000 $ et okay. On est rendu à 49 000 $ 310. Ouais. Autant dire qu'on n'est plus très loin. 700 $ et quelques, là. On lâche pas. On et Miguel, lâche pas. Coach sportif pour les auditeurs, là. Sérieusement, c'est le temps de donner. CKRL.QC.ca. Mais 50 ans, quand même. Faut parler là-dessus. Eh, vraiment. Non, mais la c'est plus ancienne radio communautaire francophone au monde. C'est un marathon avant d'être un radiophone. C'est vrai. La première, c'est incroyable. Ah oui, regarde, il y en a encore qui en apprennent, c'est correct. Mais non, c'est ça. Pour parole, puis elle apprend, ça va bien. Oui, oui. My God. Un marathon improbable. Incroyable. Félicitations. Bravo, CKRL. Non, mais ça. C'est vrai. Et Denis dit toujours que c'est un miracle que CKRL soit encore là, mais pour co-animer l'émission 50 ans de CKRL avec lui, c'est pas tous les invités qui disent ça alors qu'ils étaient là au début. Il y en a qui y croient dur comme fer et qui se disent c'est normal qu'elles soient encore là après 50 ans. Ils sont positifs, ces gens-là. Ouais. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas vécu tous les petits carreaux, les nids de poules. La crise de 1985, dont on parlera bientôt dans l'émission. C'est une crise du verglas. Non, mais la station était jeune, elle n'avait que 11 ans. Et elle s'est prolongée jusqu'à 50 ans. C'est ça qui est magnifique. On est très heureux de pouvoir être témoin de cette histoire ce soir avec vous, misé sur les lots. Denis, Jean-Sébastien, as-tu une question pour Denis concernant sa fin de semaine de Radioton peut-être? Mais oui, on vient d'entendre Lou Adrian nous interpréter une pièce. C'est vraiment... Ce fut vraiment trippant de monter mon premier Radioton. On est vraiment content que tu aies accepté, que Paul-André ait accepté d'être nos co-porte-parole artistique et que Denis, on lui a fait l'honneur de lui annoncer qu'il était notre porte-parole artistique. T'en étais témoin de proche, toi, hein? T'en oui, venais absolument. Pas. Et donc, ça nous permettait non seulement de vous avoir en prestation, parce qu'optimalement, Paul-André aurait été avec nous. Oui, mais donc, là, t'es avec nous, mais ça nous permettait aussi de développer des concepts, d'émissions avec vous qu'on a pu inclure dans la programmation du Radioton auquel vous avez eu droit en fin de semaine. Et Lou Adrian a participé à plusieurs concepts au fil de la fin de semaine. Est-ce que tu as aimé ton expérience? Oui, j'ai trippé. J'ai vraiment eu du fun. Mais comme je disais tantôt, j'ai eu la chance de me faire lire au tarot. Mais qu'est-ce que ça a dit? Moi, j'ai manqué ça. Mais faut là, que je l'écoute en podcast. Mais là, en plus, c'était lié à mon prochain album. Là, fait que là, c'était bien mystérieux. Là, mais ça disait... C'était comme... Je sais pas si c'était positif. Mais oui, mais je pense que ça disait qu'il allait avoir peut-être plus d'embûches que prévu. Mais c'est correct. On dirait que je suis en paix pareil avec ça. Mais il y avait le passé, présent, futur. C'était quand même juste, honnêtement. C'était quand même intéressant. Fait que oui, j'ai entendu des histoires de fantômes. J'ai dégusté des planches de charcuterie et de la fondue. Fait que écoute, je suis comblée. Je suis vraiment heureuse d'avoir été là puis d'avoir eu la vraie expérience aussi. Là. Ça, je suis contente d'avoir pu être là pendant la fin de semaine, de rencontrer, de voir les gens, d'être en studio. C'est ça que je dis. Moi, c'est quand même. C'est une radio, une des premières radios qui m'a donné des entrevues, qui a passé mes chansons. Fait que c'est bien, je suis bien nimo, je sais pas, de pouvoir. Non, mais c'est vrai, puis tu sais, je viens de Québec, puis comme artiste, comme radio, je pense que ça amène des défis supplémentaires d'être hors métropole, puis je trouve ça beau qu'on continue, puis qu'on reste. C'est ici la vraie métropole, en fait, c'est ben à oui. Québec. Mais oui. Il y a une génération. Il commence à le savoir de plus en plus. Non, mais la génération. C'est vrai. Dont tu fais partie fait preuve d'une effervescence dont j'ai jamais été témoin en 50 ans. Mais on s'en fait parler. Là, c'est rendu mais que même vrai. À Montréal, ils nous en parlent. Fait que là, ça veut dire que ça s'est même rendu. Ah, c'est une sorte de petit San Francisco ou Seattle. Ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est étonnant. Avec des gens comme Alexandre Martel. Oui. Ou encore. C'est ça. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il y a plein d'institutions, il y a plein d'artistes. Je pense même. Il y a des réalisateurs puis des artistes principaux, mais il y a aussi des musiciens qui ont pris cette décision-là. Tu sais, moi, je pense à Simon Pedneau, qui a été une des premières personnes qui m'a pris sous son aile. Ah oui. Le guitariste, qui lui, justement, il jouait avec... C'est un des seuls musiciens de la ville de Québec qui jouait avec des artistes de Montréal, oui. Louis-Jean Cormier, Patrice Michaud, puis tout ça. Tout le monde, oui. Puis qui est quand même resté dans cette ville-là. On a ben Kid Kuna, qui est comme une figure aussi, ben, je sais pas si c'est un des premiers, mais dans le sens que c'est un des grands, puis une des grandes figures de la musique québécoise, pour moi, un des plus grands auteurs-compositeurs québécois. Un ancien point animateur de CKRL, on l'a appris cette année. En plus, c'est ça qu'il a dit en plus. On a appris quelque chose, nous autres. On n'arrête pas d'apprendre des affaires. On n'arrête plus. CKRL est là pour ça. Eh, hey, dis donc, si on a envie de prolonger la discussion, là, il y a un lot tout indiqué pour ça, Jean-Sébastien, la discussion avec Lou, par exemple. Absolument, oui. Notre lot 96 de l'encan de CKRL cette année est un repas au Chicho Café avec nos deux co-porte-parole artistiques. C'est bien ça? Oui. Oui. Et en plus de vous voir remettre une œuvre, en fait deux œuvres de notre animateur Jason Duval qui anime Souvenir Franco les vendredis. Il était sur nos ondes ce matin même avec une édition spéciale, Souvenir Franco avec Daniel Lavoie en entrevue. Et donc, en plus d'être un spécialiste, un grand amateur de chansons francophones des années 50 à aujourd'hui. Il est également illustrateur, il fait des portraits. Et chaque année, ça en est même devenu une tradition, il fait les portraits de nos porte-paroles artistiques. Donc, il a fait Gab Paquette il y a 2 ans, Pierre-Hervé Goulet l'année dernière, et cette année, il offre à l'encan les portraits de Lou Adriane et de Paul-André Cassidy. Est-ce que vous les avez vus, vos portraits? Non. Non? Non, je viens de m'apprendre quelque chose. Une autre surprise. J'en parlais avec Jason cet après-midi. J'ai appris quelque chose d'autre. Okay. C'est incroyable, j'ai hâte de voir. Est-ce que absolument la surprise est faite au Chicho Café? Non, ça peut être pendant la clôture. Alors, je veux juste rappeler lot numéro 96. Tu l'as dit, souper avec Paul-André, Lou Adriane Cassidy, plus 3 personnes. En plus, vous pouvez inviter votre monde. Les 2 portraits qu'on affiche au terme de cette soirée, on peut même les faire dédicacer par nos porte-paroles. Lou, j'ai envie de savoir, un souper avec toi, t'es plutôt gênée avec des inconnus? Comment tu vois cet événement arriver? C'est une bonne question, mais là, surtout, c'est avec ma mère. Là, vous allez assister à nos querelles, ma fille, la première. Ah oui? Non, c'est pas vrai. Non, on est quand même... En public, on se chicane pas. Comment je suis? Je pense qu'au début, je suis gênée. Puis là, je me dégêne. Je travaille là-dessus. Puis on va trouver, surtout devant un bon plat, un bon souper. C'est ce que j'allais dire. La stratégie a été de te mettre dans un souper exact. Pour te faire parler. La nourriture devant moi. Je le dis souvent aujourd'hui, je pense. C'est ça, hein, mais ça revient souvent avec Jessica. On en parle de ma passion pour la bouffe. Alors, écoute, qui sait? On dévoilera peut-être le portrait de Lou face à elle pour avoir sa réaction en direct pendant l'émission de clôture. Mais j'ai envie de lancer un défi. Il va falloir miser sur ce lot pour qu'on lui dévoile son propre portrait. Alors, le lot est rendu à 350 $. C'est d'une valeur de 300 $. Vous faites déjà un don de 50 $ de plus à CKRL. Mais franchement, 5 tables d'hôtes, faut faire monter ça, là. C'est plus que 300 $. Alors, allez miser ckrl.qc.ca. Et si ça monte de 10 $, je suis gentille, on montrera le portrait à Lou pendant l'émission de clôture. Je pense que ça va être un grand moment de radio, Jean-Sébastien. Absolument. Et pour te, sans dire te déjeuner, te préparer à ce souper, tu pourrais prendre la même méthode que Sol Zanetti qui était avec nous à notre émission d'ouverture. Oui. Et qui pour se préparer ça fait même partie de notre encan, c'est un repas aux parlementaires. Désolé, j'échappe mes feuilles tellement c'est pertinent ce que je dis. Qu'est-ce qu'il advient de ce repas, là? Oui, mais c'est un dîner aux parlementaires pour 2 personnes avec Sol Zanetti. Il me disait en ondes qu'à une certaine époque, il animait à CKRL et il improvisait des pièces. À lui aussi. À la guitare, donc pendant l'émission. Et je lui ai dit, peux-tu nous improviser une pièce? Et bon, une guitare est arrivée. Peux-tu nous improviser ce dont vous parlerez au cours de ce dîner? Et donc, ça a un peu été la base de la pièce qu'il nous a offert. Finalement, c'est une pièce sur une poutine au creton. Oui, j'ai entendu ça. Qu'il a mangé je ne sais plus où, que c'est une des meilleures poutines de sa vie. Oui, absolument. Mais ça pourrait être une creton, pièce. Une des meilleures poutines de sa vie. Oui. On dirait que je suis tellement intriguée. Spécialiste de poutine, toi? Quoi? T'adores les poutines? Ben, j'adore. Ben, oui. T'as été élevé au rang de plan national. C'est vrai, oui, c'est ça. Il y avait raison. Mais avec raison. Lot numéro 97 pour se souper avec Sol. Un dîner, pardon. On fait le dîner avec Sol, puis on soupe avec Paul-André et Lou. Donc, dîner aux parlementaires pour 2 personnes. C'est Miguel Rose, d'ailleurs, qui a misé 400 $, mais il m'a dit très honnêtement qu'il voulait que ça monte. Donc, misez après Miguel, lot numéro 97. On vous laisse le temps de la pause pour miser et on revient pour la dernière demi-heure de cette émission de clôture. Vous écoutez le Radioton de CKRL. Le Radioton vous est présenté par les partenaires majeurs suivants. La Boîte à pain, la Corrigan, le Bal du Lézard, Audiolite, les cinémas Le Clap et l'hôtel Château-Laurier. À chacun son livre, aux éditions Michel Lafon. Les voleurs d'infini d'Alison Noël. Natacha, collégienne, est envoyée à l'Académie Grey Wolf un pensionnat qui n'apparaît sur aucune carte. Là-bas, tous lui disent qu'elle a un don très rare, et que l'Académie l'aidera à l'exploiter, à l'apprivoiser. Son pouvoir, voyager dans le temps. Sa mission, y récupérer ce que cherche le mystérieux directeur de l'Académie. Les voleurs d'infini est le nouveau thriller surnaturel d'Alison Noël, l'auteur de la série Éternelle. Les éditions Michel Lafon vous offrent des témoignages, des biographies, des thrillers, des best-sellers, des beaux livres et de la littérature jeunesse. Un large éventail de lectures pour tous, pour tous les goûts, pour toutes les passions. Les projets inachevés ne se régleront pas seuls. Il y en a trois qui m'obsèdent particulièrement. Trois courts-métrages qui sont restés figés à l'étape du montage. Quand je tente de les regarder en face, je vois un mur gigantesque. Pour moi, chaque tournage est une thérapie. L'important, c'est de la faire, de la montrer, puis d'apprendre de quoi de ça. On est tellement dans le résultat, puis dans la finalité des choses. Le cinéma, c'est d'abord humain. C'est ça, l'œuvre d'art, dans le fond. Le documentaire David contre Goliath, de David Béricard, en salle dès le 5 mai. CKRL 89.1, 50 ans de chansons francophones. Cette émission vous est présentée par Le Pied Bleu. Vous cherchez une charcuterie artisanale qui propose des produits de qualité exceptionnelle? Alors ne cherchez plus. Venez découvrir Le Pied Bleu. Le Pied Bleu, c'est avant tout un bar à charcuterie spécialisé en charcuterie cuite qui produit un boudin digne d'une appellation d'origine contrôlée. Le Pied Bleu vous offre également des plateaux de fromage et de charcuterie pour vos événements, pique-niques ou réceptions. N'hésitez pas à nous appeler au 88 914 35 54. Le Pied Bleu, la convivialité et l'authenticité en toute simplicité. Vous écoutez le Radioton de CKRL. Je suis là. De retour dans cette émission de clôture de Radio Temps, c'est KRL, dernière ligne droite. Jessica Leb avec vous, toujours avec... Avec Jean-Sébastien Doré. Cherchais notre complicité, oui. Là, Jean-Sébastien. Désolé, j'avais peut-être pas le temps. Jessica, oui, je suis encore là. Et nous sommes accompagnés de deux de nos porte-paroles cette année. Denis Lelièvre, notre porte-parole artisan, et Lou-Adrienne Cassidy, notre co-porte-parole artiste. Et je donnerai à Lou-Adrienne le mandat bien agréable d'annoncer un nouveau montant. À 19h30, et gros roulement de tambour, s'il vous plaît. Objectif 50 000 $, on le rappelle. Êtes-vous prêts tous? Le nouveau montant est de 53 250 $. Bravo! Alors ça veut dire de un que le montant est dépassé, mais on se rappelle, on va plus haut que le montant, plus loin encore. Le plus loin possible. Le plus loin possible. 50 ans, l'encan n'est pas terminé. 27 minutes. Écoute-moi, Jean-Sébastien, je parlais pas beaucoup, mais sérieusement, pour avoir fait plusieurs clôtures, je voyais qu'on était très très en avance, mais là, c'est vrai qu'on a un gros suspense. Jusqu'à quel montant on peut aller? C'est la nouvelle question. Exactement. Je pense que ça peut être l'occasion d'aborder quelques lots encore qui ne sont pas assez hauts, encore une fois. Le lot numéro 99. Oui, le lot 99, offert par un partenaire de CKRL de longue date, Audiolight. Des casques d'écoute Focal Listen Wireless, Bluetooth et filaire fermé. Là, je suis un peu trop dans les détails. Là. bref, un beau casque d'écoute d'une valeur de 640 $. Je vais te la dire, là où c'est rendu. C'est un certain R. Plamondon qui a misé dernier. Mise actuelle, 380 $. Et un casque d'écoute de bonne qualité, là, pour être en totale immersion avec votre musique ou écouter ses KRL. Bon, c'est flash. 640 $ pour la valeur. Donc, franchement, ça vaut la peine de s'équiper dans le meilleur magasin de son Focal, à Québec. On dit. Un Focal, tout à fait. Toujours Focal. Wireless et sans fil, donc Bluetooth. C'est très pratique de ne plus avoir de fil dans les écouteurs, là, sincèrement. On adopte complètement. Les œuvres d'art aussi, oui. Jean-Sébastien, c'est quand même une très belle contribution de la part d'artistes de Québec, encore une fois. Oui, le lot 76 nous a été offert par celui que l'on connaît principalement, ben, pour la plupart, comme étant le caricaturiste du soleil depuis de longues années, mais également comme BDiste à une certaine époque. André-Philippe Côté, qui est aussi artiste visuel, nous a offert deux œuvres, dont la 76 intitulée « Au temps perdu ». Pourrais-tu nous en faire la description? C'est pas facile, Jessica. Mon Dieu, c'est pour ça que tu me renvoies ça. Défi en direct. Non, plusieurs visages non, qu'on retrouve. Sincèrement, moi, je vois bien ça dans un salon tout à fait contemporain d'une valeur de 1 200 $ pour cette œuvre d'art de André-Philippe Mais Côté. Est-ce qu'il fait référence au café de la rue Mirand? Peut-être. Tu appelles le temps perdu. Mais oui, tu as tout à fait raison. Ben, voilà. C'est trop direct. C'est ton interprétation. 450 $ pour la mise actuelle, mais c'est d'une valeur de 1 200 $. Sérieusement, une œuvre d'art, ça vaut beaucoup plus que ça. C'est le temps de faire grimper la mise. CKRL.QC.CA. Une autre artiste qui collabore depuis de nombreuses années, Jean-Sébastien, à l'encan de CKRL, c'est Cynthia Coulombe-Bégin, lot numéro 74. Oui, c'est une œuvre de 30 par 40 qui se nomme Les Sentiments Magnétiques, d'une valeur de 2 300 $. Hier soir, notre encantrice Caroline Simard m'a dit qu'elle attendait la dernière minute pour miser sur cette œuvre pour la gagner. Donc, si elle est à l'écoute, ben, ça achève, là. Ça ferme dans 24 minutes, les encans. Donc, la mise actuelle est à combien? À 600 $, qui est le prix de départ, mais on parle d'une valeur de 2 300 $ pour cette œuvre. Donc, sincèrement, je pense qu'on peut se rapprocher de la valeur réelle avec le lot 74. Oui. Ça suffira pour l'encan de 100. En lot de CKRL. On parle de Caroline Simard, la chroniqueuse du matin. Oui, absolument. Exactement. Ah oui, bon. Voilà. Alors, elle a misé déjà sur le retard. Elle a misé, elle est capable de monter un peu plus. N'est-ce pas, Caroline? Il reste 23 minutes au moment où je le dis pour aller miser. Faites ça vite. Lou, j'ai envie qu'on revienne. On a parlé de l'impérial un peu plus tôt, de la réputation de Québec pour les artistes là maintenant qui font rayonner cette belle ville. Comment s'est passé est-ce que c'était ton premier club soda à Montréal aussi? Oui, ben c'est toutes des salles où j'ai joué parce que j'accompagne d'autres artistes. Donc le club soda, je l'ai fait quelques fois, mais c'est la première fois que c'était mon propre spectacle. Donc ça. C'est toujours différent là, le rapport, je sais pas, comme je disais, faire ses propres chansons puis de voir que les gens sont venus pour moi, on dirait à toutes les fois, même en région, même quand il y a moins de monde, peu importe, il y a quand même quelque chose de magique à ça, je trouve là, tu sais, les festivals, oui, les gens ils viennent découvrir, des gens qui sont fans, mais on dirait à toutes les fois que je me dis aïe, il y a du monde qui ont payé 25$ pour écouter mes tunes, je trouve qu'il y a quelque chose de c'est incroyable pour vrai, je me sens très très privilégiée, donc ouais, ça aussi c'était une très belle, les deux c'était incroyable, puis vraiment pour des raisons différentes, c'est comme si j'avais peur vu que les deux étaient un jour après l'autre que de comparer ou je sais pas quoi, puis finalement les deux ont vraiment été magiques de plein de façons différentes. Mais c'est sûr qu'à l'impérial, j'étais plus emo, comme je disais, parce que c'était dans ma ville, c'était à Québec. comme l'ont démontré mes larmes. Mais le Club Soda, ça reste une résidence ultime pour les plus grands noms par après. C'est comme un genre de classique. Oui, c'est ça, un genre de tu peux pas passer à côté. Puis c'est, tu sais, j'ai vu moins de spectacles à Montréal qu'à Québec, mais c'est une des salles justement où j'en ai vu. Tu sais, j'ai vu notamment Kuna à Coup de cœur francophone. Je me rappelle plus, là, que, genre, un lancement de Clopel Gag, tu sais, des shows qui pour moi étaient super importants à cette époque-là, puis fait quoi, d'être là. C'est vraiment une salle où tu sens aussi quand même la chaleur des gens ou. Mais je reviens à l'Impérial, on était plusieurs animateurs de CKRL dans la salle. David Rocketchip avec son skate était là, l'eau numéro combien déjà? On se souvient pas. Bon, allez voir sur le site de CKRL. C'était pour plugger le lot de David. Pierre Dolbecq également était là. Puis je te dis, on avait vraiment l'impression d'assister à un moment historique. Jacques Boivin était là. La photo aussi, évidemment. Ben non, t'étais pas là à la photo? Non, t'étais là juste pour profiter, pour écrire. D'ailleurs, ça c'était tellement touchant l'article qui est sorti. Moi, ça a été un des trucs qui m'a le plus, justement, rentré à la maison, puis une espèce de rétrospective sur tout ce qui avait été dit. De mes spectacles au cours des années, puis voir l'évolution, puis c'est une évolution que moi je sens un peu aussi, mais que je sais pas, de l'avoir écrite, puis de voir que des gens qui me suivent, qui me supportent d'une certaine façon, ou qui m'écoutent depuis tellement longtemps, depuis que il y a quelque chose de magnifique à ça, je trouve. Est-ce que tu incarnes Lou sur scène? Moi, je l'ai ressenti en tant que femme, là, t'es vraiment dans la féminité pure. J'ai parlé de sexualité tantôt, mais c'est un thème phare de cet album. Ta sensualité, la remise en question, les doutes, et aussi physiquement, hein, tes habits de scène également, que tu portes très sexy. Ouais, vraiment, j'entends, c'est quelque chose dans le Make public. Mais tu sais, comme tout le monde, t'as des complexes, j'imagine, puis là, tu laisses tout tomber, puis on assume à 200%, et je trouve que ça crée un mouvement pour te suivre là-dedans. Merci. Et j'étais super fière de te voir comme ça, alors que j'ai pas de fierté à voir vis-à-vis de toi, mais en fait, ça m'a beaucoup, je sais pas, j'avais envie de te suivre là-dedans. Mais merci, ça me touche beaucoup, puis c'était un truc qui est important quand même, pour moi, tu sais, justement, que ça touche, puis que ça rejoigne aussi les femmes, tu sais, comme, je dirais pas principal, je veux pas exclure personne, mais je veux dire, c'est le fait que ce soit des femmes, puis des fois des jeunes filles, des ados, ou tu sais, des plus vieilles femmes qui me disent des trucs comme, j'aurais aimé ça, je me suis fait dire, j'aurais aimé ça, mettons, je sais pas, être comme toi quand j'étais plus jeune, ou des choses comme ça, puis bien évidemment, c'est... Je suis pas sûre qu'il voudrait être comme moi, puis ça dans ma vie personnelle. Ce que tu reflètes, ouais, c'est ça. Mais ce que j'incarne, ça me touche vraiment beaucoup, puis c'est ça que je veux, tu sais, toute cette complexité là de c'est quoi justement la sexualité, la sensualité, puis le se mettre à nu, mettons philosophiquement, tu sais, c'est pas juste dans la séduction, je suis aussi beaucoup dans quand même la revendication, puis un peu la fragilité, là, je pense, là. En tout cas, toucher à toutes ces affaires-là. Mais merci, c'est ça. Merci beaucoup. Et c'est comme ça qu'on a des chansons comme « Je suis arrivée » sur le précédent album. Oui. Elle a compris que c'était le signe de la perfo. Très, très belle chanson. Vous pourrez reconnaître tout un tas d'images, de métaphores qui vous feront penser à plusieurs choses. Et je tiens à vous dire aussi que la formule acoustique qu'on entend ce soir, c'est vraiment particulier. Quand Lou est seul en scène, il est là. Elle cherche. Et bref, allez la voir sur scène avec ses musiciens. Il y a une énergie incroyable. C'est très, très rock. C'est beaucoup plus rock que sur l'album, d'ailleurs. Et tu te plais aussi, comme tu disais, à revisiter tes plus anciennes chansons. On les redécouvre, c'est vraiment un moment savoureux. On rappellera où la suivre cet été, si on veut la voir. Moi, j'aime bien ça, Unplugged. Aussi, en acoustique. Oui, quand Eric Clapton, en 1994, avait fait un disque Unplugged, tous les plus grands rockers de la planète ont fait un disque Unplugged. Comme je disais tantôt, c'est tout qui est le fun. Des fois, super rock, ça fait un petit peu défoncer les oreilles, c'est incroyable. Des fois, juste doux, solo, c'est le fun aussi. C'est fun de toucher à toutes ces nuances. Lou-Adrien Cassidy, s'il vous plaît, bonne main d'applaudissement. On applaudit. Je suis arrivée, je suis là, mais je suis fatiguée. Enfin, mais c'est toujours à recommencer, de recommencer. Je suis arrivée, je reconnais l'endroit, l'odeur, la sueur qui coule sur moi. Attends-moi juste pour ce soir, si tu veux crier mon nom dans le noir. Je sais que tu sais m'attendre avant d'arriver. Regarde-moi, tu portes ma couronne et je porte ma croix, mais j'ai perdu la foi. Je la porte en moi, pour nous, pour toi, qui coule sur moi. Attends-moi juste pour ce soir, si tu veux crier mon nom dans le noir, je sais que tu sais revenir. Oh, oh, revenu au point de départ. Je veux crier ton nom dans le noir. Je sais que tu sais m'attendre avant d'arriver. Je sais que tu sais m'attendre avant d'arriver. Je sais que tu sais m'attendre avant d'arriver. Je suis arrivé, Lou-Adrien Cassidy. Merci Lou-Adriane. Merci. Je voyais pendant que tu jouais la chanson, Denis t'accompagnait avec sa bass Fender. Encore. En air bass. Voilà que j'apprenne à jouer cet instrument. Je l'entends dans ma tête. Mais pour l'instant, Denis, pourrais-tu nous dévoiler un nouveau montant? Ça va me faire très plaisir parce que je pars depuis je le fond des là, âges. C'est beau. Ça à 19h45, Denis. Dans le micro, ça va être mieux. Voilà. Là. 58 625. Alors moi, je vous suggère de vous rendre à 60, sinon davantage. Ben évidemment qu'on va exploser le 60 000. Dans tous les cas, Jean-Sébastien, c'est une année record. Absolument. Pour CKRL. La communautaire. Parce que le montant le plus haut qu'on était allé chercher, c'était 49 000 dollars et quelques. Il y a deux ans, je pense. C'est avant la pandémie, il me semble. Et dans tous les cas, on est très heureux, mais sincèrement, il reste 14 minutes. Là, il faut faire exploser ce 60 000 dollars. Les lots à Lancan, il y en a 100, je vous le rappelle. Alors moi, c'est simple. Là, c'est le moment où j'avoue les lots sur lesquels je mise, okay. Jean-Sébastien, pour, c'est ça, appeler au duel. Alors, on a Robin Plamondon tout à l'heure qui s'est amusé à miser après moi. Le lot numéro 3 d'Amassan, hein, les deux massages sur table de 90 minutes avec le massage Ama, massage d'inspiration japonaise. C'est dans Limoilou, d'ailleurs, si vous vous demandez où est Amassan. Il y a de tout dans Limoilou. Mais tout se passe dans Limoilou, ou presque. Limoilou. 140 dollars, c'est ma mise. Alors, si vous voulez y aller, allez-y. Le numéro 3, c'est d'une valeur de 160 dollars et c'est pour deux personnes. C'est deux massages sur table de 90 minutes. Et l'autre lot où je mise, je l'aime beaucoup, le peignoir zen, aussi dans Limoilou, sur la 3e avenue. Encore une fois, c'est du bien-être, esthétique, massage. Alors, lot numéro 39 et 40. Moi, mon rendez-vous est déjà pris pour demain matin. Je savais même pas si j'avais le lot, mais j'ai déjà pris rendez-vous avec Véronique pour un soie jambe lourde, pour et tout et vous qui dire. Est Véronique? Véronique, c'est l'esthéticienne, la propriétaire du salon. C'est mon lot fétiche. J'ai mis 80 dollars sur le lot numéro 40. C'est le temps de le faire monter. C'est d'une valeur de 100 dollars. Lou, as-tu déjà misé dans des encans? Non. Mais là, ça me donne tout le goût ça me donne tout le goût de miser dans tous les derniers lots. Non, mais on dirait que ça m'angoisse, là. Je sais pas, ça me fait stressant. Mais l'objectif est atteint. C'est déjà bien. Non, mais oui, ça, c'est déjà incroyable. Ouais. Mais non, c'est ça. Mais là, si tu me fais découvrir pas l'adresse que je ne connaissais point dans Très près Limoilou, chez toi. Là, j'étais excitée. Ouais, c'est ça. En plus. Tu vas tout faire des recherches Google, là, en rentrant chez nous. Tout est accessible sur le site dans Lancan. En fait, tu n'as même pas besoin de faire de recherche Google. Il y a les liens pour aller voir les commerçants directement. Donc là, tu as tout un parcours qui se dessine pour ton été. Donc là, très facilement. Mon chemin est tracé. Lou. Je pense que Jean-Sébastien, on peut continuer d'aborder d'autres lots. Tiens, je pense que celui-là, Denis, serait capable de nous en parler. On n'a plus beaucoup de temps, Denis, donc on fait Qu'est-ce ça brièvement. Que c'est? Le lot numéro 18. Oui, le lot numéro 18, Denis, la Société de guitare de Québec. Oh mon Dieu, c'est extraordinaire, ça. Cette année, ce sont les plus grands maîtres de la guitare classique en solo. OK? Puis il en reste encore un. J'hésite sur le prénom. Costa, en tout cas. Yamandou Costa, oui. Yamandou Costa, c'est un des plus grands maîtres. C'est un Brésilien. Et c'est le précédent qui s'appelait Jason Vio, cette fois-ci. Et c'est au Palais Montcalm. Avant, oui. Ça se tenait à la Faculté de musique de l'Université Laval. C'est... justement, ça a besoin de marketing et de mise en marché. C'est extraordinaire. Et c'est une paire de billets pour le spectacle de Yamandou Costa le 20 mai prochain à la salle Raoul Jobin. Le 20 mai prochain, oui. Oui, du Palais Montcalm, mais c'est en exclusivité à Québec. Oui. C'est d'une valeur de 130 $. Où en est la mise actuellement, Jessica? 75 $ pour ce lot. Alors, ça peut encore grimper très, très facilement. Et en plus, c'est bien, c'est un lot, vous misez, puis la sortie est dans même pas un mois. Donc, on se fait plaisir, on invite quelqu'un. L'hôtel Château Laurier, j'aimerais qu'on en parle. Merci d'ailleurs à l'hôtel qui héberge à chaque année nos artistes venant de l'extérieur, nos invités venant de l'extérieur aussi, mais on gâte aussi nos porte-paroles. Es-tu allé faire un tour, Lou, à l'hôtel Château Laurier? Oui, mais là, en fait, attends, mais parce que finalement, non, je ne suis pas allée. Ah, mais je sais que c'était prévu. Mais je voulais full y aller, c'était full prévu. Fait que là, je me sens full mal de dire ça, mais on va dire que oui, puis c'est incroyable. Partie remise. Non, c'est vraiment 100% partie remise. Puis merci infini, Château Laurier. Mais ce qui est bien, c'est les petits verres de vin dans les couloirs. Oui, on peut se servir du vin, effectivement. C'est ça, toi. Et c'est, oui, c'est un hôtel. Dans le couloir. Ben, ah, c'est, oui. Il y a comme des distributrices. Avant d'organiser sa chambre. Hein? Ouais. Ah, oui. Il va falloir te reprendre. Là. L'eau numéro 26, hôtel Château Laurier, forfait couette et café. Une nuitée en occupation double d'une valeur de 280 $. Moi, je le dis toujours, hein, si vous avez prévu d'aller au festival d'été, en fait, c'est oui. Jacques Boivin qui a donné l'idée une année à Lancan, puis je te oui. la pique. C'est-à-dire que si on va voir un spectacle au festival d'été de Québec, on veut pas se prendre la tête avec le trafic, on réserve sa nuit à l'hôtel Château Laurier et on dort sur place. Est-ce que c'est toi qui as inventé ça ou c'est mon idée? Je me souviens plus. C'est moi. OK. Mais ma chère Lou, c'est 24 heures sur 24 de la chanson québécoise. Francophone. De partout. Partout. Ah, hôtel ouais. éco-responsable. Franco-responsable. Franco-responsable. Franco-responsable, c'est un terme. Je te jure. Ça a été créé par le propriétaire. Ouais, ouais, Alain Girard. Ça. Et sa famille qui a pris la relève, ses filles qu'on salue. Alors, mise actuelle, 200 $ pour ce lot d'une valeur de 280 $. C'est le lot numéro 26 et le lot numéro 27 est à la même mise. 200 $ également. Alors, c'est le temps de faire monter la mise. Pensez à votre été. Vous n'avez pas envie de chercher le stationnement en Haute-Ville. On dort à l'hôtel. Exactement. Jean-Sébastien, je pense qu'on peut faire un dernier coup d'œil à notre cinéma Le Club, quand même un petit clin d'œil à notre porte-parole à faire, parce qu'il y a une belle sortie à s'offrir avec le lot numéro 100. Eh oui, le lot dont on parlait avec Robin Plamondon tout à l'heure, à la valeur inestimable, parce que ça permet littéralement de passer son année au cinéma. C'est d'une valeur inestimable. Donc, le prix de départ était de 250. La mise actuelle est de 800 $ pour une année de cinéma. Oui. Donc, illimité pour deux personnes. Illimité pour deux personnes. Deux. Ouais. Donc là, ouais, bah, c'est, on 800 peut faire monter dollars. Ça, c'est ça peut encore monter en 9 minutes. Ouais, ça oui, vaut bien oui, ça. Oui, oui, ah, il y a oui, beaucoup oui. de jours dans une année. Là. Il y a beaucoup de jours. Pour faire partie de la palette d'habitués, effectivement. Moi, je fais toujours un appel à mon chum aussi dans les 10 dernières minutes de Lancan. Ah, oui. Je pense que certains se rappellent pourquoi. Voilà, la bague. Alors, chérie, si tu m'écoutes. L'eau numéro 68, Joaillerie Sims. Une belle bague argent et oxyde de zirconium. Grandeur disponible selon le choix de la personne gagnante. Il l'a toujours gagnante. Pas offerte. Ben écoute, je lui propose de miser là-dessus. La mise actuelle chaque est de 100 $. Oh, je pense que ça peut monter très très facilement. Puis elle m'irait très bien, je pense. Donc chérie, je pense à toi. Offre-moi la bague. As-tu repéré d'autres lots, Jean-Sébastien? Oui, mais j'aimerais faire un appel à ma blonde, en fait, de mon Dieu, vont se battre. J'aimerais me voir offrir les deux magnifiques planches décorées par mon ami David Rocketship. Oui. Ici. Donc, pourquoi pas le lot 34, oui. Strange Boards. Tu vas te mettre au skate. Pourquoi pas? Vous allez venir ensemble, c'est trop cute. Ouais, je pourrais m'essayer avec l'une des deux, me péter la gueule un peu, utiliser l'autre pour décorer. Oui, ça ferait une belle décoration. Les deux planches sont magnifiques, oh, oui. Elles sont belles. J'ai envie de faire un petit clin d'œil à la Corrigan qui nous a servi de la bière toute la fin de semaine. Ils sont à Lancan cette année, c'est une première fois, mais c'est un partenaire fidèle, l'eau numéro 61 et un certificat cadeau d'une valeur de 100 $. Bon, c'est déjà à 90, mais sérieusement, vous savez que vous allez venir mercredi prochain de 18h à 20h pour assister à mon émission. Donc, on dépense tout mercredi prochain, on se retrouve là. Vous pouvez... faire un don de plus que la valeur. Dans tous les cas, ça va, c'est KRL, c'est pas perdu. Absolument. Lot numéro 61. Je pense aussi à trois autres lots, car la bonne partie des auditeurs de CKRL sont des amoureux de musique, bien sûr. Les lots 45, 46 et 47 offerts par deux partenaires des amis disquaires de CKRL. Le knock-out pour les lots 45 et 46, c'est des certificats cadeaux de 100 $ pour le lot 45. Le prix de départ était de 50. La mise actuelle en est à 120 pour vous offrir des albums de Lou Adriaan ou de Paul-André Cassidy, pourquoi pas, ou des autres artistes qui étaient présents cette année à notre Radioton. Le lot 46, c'est un autre certificat cadeau de 100 $. Le prix de départ était à 50. La mise actuelle à 90. Faites monter ça, ça vaut vraiment la peine au profit de CKRL pour faire des découvertes incroyables au knock-out, dans le rock, dans le punk, dans le métal un peu plus. Il y a de tout. Et le 47, c'est Explosive Groove, un disquaire mené par un ami de la station, un ancien animateur, Jean-Baptiste Duvigneau. Ça se trouve sur la première avenue ici à Limoilou. C'est un certificat cadeau de 100 $. Le prix de départ était de 50 et la mise actuelle est à 120 $ quand même. Mm-hmm. Continuez à miser. Et on pense à l'été, on pense à nos escapades. Festival de la chanson de Tadoussac, c'est une tradition à l'encan de CKRL, l'eau numéro 63 et 64, un passeport la tournée, donc qui vous permet d'assister à une grande majorité de spectacles quand même. Valeur de $370, on a le lot 63 qui est à 340, le lot 64 qui est à $330. C'est un beau cadeau que vous faites dans une superbe région et en plus... On retrouvera Lou Adrian Cassidy dans la programmation du festival. Ouais. Avec son band. Une Fender Bass et d'autres instruments. Lou, tu as déjà joué à Tadoussac? Oui, j'ai déjà joué plusieurs fois. J'étais dans les artistes Destination Chanson Fleuve dans le temps. Donc, c'était un petit parcours. On passait par plein de festivals. Les Franco de Montréal, Festival de Petite-Vallée, Festival de Tadoussac. On faisait des ateliers d'écriture. Donc, ça fait partie des festivals qui m'ont... donner mes premiers spots, mes premiers spectacles dehors. Donc, j'ai bien hâte de retourner. Mais je pense que même pour les artistes, tu travailles, mais il y a une odeur de vacances quand on est à Tadoussac. Ouais, puis moi, j'allais souvent à Tadoussac avec mes amis quand on était ados. Donc, moi puis une gang d'amis, dont Ariane Roy, justement, on allait souvent, ses parents y allaient, eux autres, ils louaient une chambre d'hôtel, puis nous autres, des fois, on campait sur le site, des fois, on prenait un bout de la chambre des parents, puis on allait voir des spectacles, puis on fait quoi? Non, c'est sûr, j'ai un petit attachement pour ce festival-là. Je pense, Jean-Sébastien, il reste une minute avant la prochaine pause. Veux-tu aborder un tout dernier lot? On demande à Lou et à Lou pourquoi donner. Il reste 4 minutes, là. OK. sauter là-dessus. Il reste 4 minutes, c'est ça, là. C'est le moment. Là. Ouais, puis on va recevoir un texto automatique pour nous dire si on a le lot ou pas, là, okay. À 20h pile. Ben, déjà, croyez en vos rêves que vous pouvez avoir le lot que vous voulez. Je crois à la bague. C'est ça, là, croyez-y. Le skate, la vague. C'est déjà tellement incroyable d'avoir tous ces produits-là, puis surtout d'encourager des endroits québécois. Puis là, en plus, tout ça, ça se met ensemble pour faire un grand écosystème qui fait profiter à la première radio commerciale. radio communautaire. En tout cas, francophone. Donc, allez-y. C'est incroyable ce que ça fait pour la ville de Québec, pour la culture en général, puis en plus de pouvoir avoir accès à plein de services et produits qui sont aussi locaux ou régionaux. Donc, c'est incroyable. Puis, go! Elle go, pourrait être animatrice radio et parfaitement dans son timing. Yes. Écoute, Jean-Sébastien, la prochaine pause est très importante. C'est les 3 minutes où nous concentrons, nous, les miseurs, là, puis qu'on va cliquer à 59 minutes et 59 secondes. Donc, on va laisser ce temps aux auditeurs pour se concentrer, rafraîchir la page, miser. Et bonne chance à tous. On se retrouve à 20h. Pour le montant final du Radiothon du 50e anniversaire de CKRL. Je pense qu'on s'applaudit pour une bonne dose d'énergie. CKRL tient à remercier les partenaires gouvernementaux suivants pour leur soutien au Radiothon de cette année. Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications. Jonathan Julien, ministre responsable de la Capitale Nationale. Sozanetti, député de Jean Lesage à l'Assemblée Nationale. Étienne Grandmont, députée de Taschereau à l'Assemblée nationale. Julie Vignola, députée fédérale Beauport-Limoilou. Et Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé et député fédéral de Québec. La Maison de la coopération et de l'économie solidaire de Québec vous offre 4 salles en location qui vous permettent de tenir vos rencontres en présentiel, en virtuel ou les deux à la fois. Elles peuvent accueillir de 10 à 100 personnes et ce, 7 jours par semaine. Disposition modulable, plafond haut, proximité des transports en commun, parc à vélo intérieur, stationnement facile et Wi-Fi. Pour plus d'informations ou pour faire votre réservation, visitez mazon.coop. Depuis 30 ans, la boutique Le Pédalier répond autant aux exigences des pros que des amateurs. Les plus grandes marques, Kona, Felt, Marin, aux prix les plus avantageux. Une équipe de spécialistes et des conseils judicieux, c'est l'expérience que vous vivrez en vous rendant à la boutique Le Pédalier. 99 Boulevard Bastien-Wendake, via Robert Bourassa Nord. 418-842-2734. Pédalier.ca. Pourquoi faire aujourd'hui si tu pourrais faire demain? Pour la saison prochaine, les concerts pop de l'Orchestre symphonique de Québec se donnent des heures de studios californiens, des cabarets new-yorkais. Ils seront tapissés de paillettes. Ils auront du beat. Lisa Leblanc sera Shaky Disco. Webster et ses 8 artistes invités célèbrent 40 ans de hip-hop québécois. Transportez-vous au cœur des comédies musicales de Broadway. Célébrez le 7e art avec Hollywood 7. Hydro-Québec, partenaire de saison de l'Orchestre symphonique de Québec. Chez Sanimax, nous développons des solutions respectueuses de l'environnement afin de répondre aux besoins des industries alimentaires et agroalimentaires. Chaque année, en récupérant plus d'un million de tonnes de sous-produits animaux et alimentaires, d'huile végétale, de peau et de cuir, nous fournissons un service essentiel, fiable et sanitaire. Pour plus d'informations, 418-832-4645 ou sanimax.com. Cette émission vous est présentée par le Pied Bleu. Vous cherchez une charcuterie artisanale qui propose des produits de qualité exceptionnelle? Alors ne cherchez plus. Venez découvrir le Pied Bleu. Le Pied Bleu, c'est avant tout un bar à charcuterie spécialisé en charcuterie cuite qui produit un boudin digne d'une appellation d'origine contrôlée. Le Pied Bleu vous offre également des plateaux de fromage et de charcuterie pour vos événements, pique-niques ou réceptions. N'hésitez pas à nous appeler au 418-914-3554. Le Pied Bleu, la convivialité et l'authenticité en toute simplicité. Ah, l'émission de clôture du Radioton 2023 de CKRL se poursuit. Il est maintenant 20h. Les encans viennent de fermer. J'ai chaud. Se demander si elle avait eu enfin la bague de ses rêves. Bon chum, si t'as le nouveau nom de Monsieur Gansby ou Madame, bah écoute, voilà. Mais en tout cas, félicitations à l'heureux ou l'heureuse élue, franchement. Alors, pour expliquer un peu, Jean-Sébastien, qu'est-ce qui s'est passé à 20h pile? On reçoit un texto, un courriel où on voit sur l'encan si on a gagné le lot. Et j'ai vraiment eu le plaisir à 2 secondes de la fin de cliquer sur miser. Donc, je dépense quand même un bon montant pour ces KRL avec ma visite chez le Peignoir Zen demain. Je suis très contente de ne pas devoir annuler mon rendez-vous. Voilà. Félicitations. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des lots dans la salle, Carbo? Cinéma illimité, c'est pas pour toi. Est-ce qu'il y en a qui ont gagné? En tout cas, félicitations et un grand merci encore une fois à tous les donateurs, les miseurs de l'encan. Je pense qu'on peut les applaudir parce que c'est quand même une valeur cette année, l'encan, de 25 000 $, là, hein, tout ce qui était affiché, est-ce les 100 lots. Est-ce que c'est une valeur record dans un radioton de CKRL? Il faudrait le demander à Danny Fortin qui s'en vient. Habituellement, c'était 20 000 à peu près, autour de... Mais Denis est bien au courant, ce qu'il fait est-ce partie du conseil d'administration. Attention, entrez derrière le rideau. Non, j'ai cru entendre, c'est pas. Danny Fortin s'en vient dans quelques secondes. Il est en train de compiler les derniers chiffres. Voilà. Pour nous annoncer le montant final. Et c'est presque une entrée de rockstar derrière le rideau. Lou, ça doit te rappeler ton spectacle, parce que pour info, dans ton spectacle que tu présentes présentement, à un moment donné, tu sors de scène, puis il y a un immense rideau, puis tu fais ton entrée de pop star là-dessus. Ouais, ça c'était spécial. Mais ça, c'était juste Montréal-Québec, on l'a fait. Ouais, c'était parce que le fameux moment, il y a un moment dans mon spectacle où je me mets de dos, puis je retire ma robe, puis je fais le reste, en sous-vêtements. C'est le moment... je sais pas, de revendication, c'est le moment qui est comme le moins justement sensuel, le plus en colère, mais en tout cas, puis là, bref, à ce moment-là, il y avait un rideau qui est tombé, puis là, j'avais magiquement changé de tenue, fait que c'est une grosse mise en scène, une grosse affaire, seulement pour les gens de l'Impérial et du Club Soda. Le rideau qui est tombé, c'est ça. Oh, Denis! Voilà! J'ai adoré la mise en scène. Merci, ben c'est Alexandre Martel qui a signé cette mise en scène. Encore une fois, comme beaucoup de choses qu'on fait ensemble. Alors voilà, Dany, ça pourrait être une autre carrière pour toi, sortir du rideau pour faire de la scène, mais non, c'est pour nous annoncer un chiffre. Non, je crois pas. Comment s'est passé ton radioton? Dany Fortin, directeur général de CKRL, on peut l'applaudir, ça travaille fort dans les bureaux aussi. Donc, ça s'est commencé cette année différemment que des autres années en raison du 50e anniversaire. On avait une grosse année, on a encore une grosse année, on a eu la soirée retrouvailles qui a eu lieu le 15 février dernier au Lou Adrian. 17 février. J'ai dit 10, mais OK, l'anniversaire était le 15, la soirée le 17. Donc Lou Adrian et Paul André étaient présents à cette soirée retrouvailles, une soirée qui était mémorable, qui a permis de faire justement les rencontres de tous ces gens qui ont passé à travers les 50 ans de CKRL. Et c'était nécessaire de le faire. Les gens ont apprécié cette soirée. Et justement, donc c'était le début du 50e anniversaire qui nous a mené jusqu'au Radioton. Un Radioton qui se veut historique pour CKRL. Historique pour le 50 ans de la station, mais également au niveau financier. Je suis quelqu'un de statistique. Donc, même ça, les fichiers Excel. T'as commencé dans le hockey, hein, je pense. Dans le sport en général. Mais oui, j'aime bien les statistiques. C'est pas tout le monde qui aime les statistiques, mais moi, j'aime ça. Et quand j'ai vu les chiffres du prix Radioton, les donateurs, j'ai dit, la tendance, c'est quand même, c'est bien, mais on n'est jamais sûr, des montants qui vont s'ajouter. Les partenaires également, les partenaires locaux, parce que le montant total provient des partenaires, des donateurs et partenaires gouvernementaux également. Donc, les partenaires étaient vraiment au rendez-vous cette année. Nos partenaires gouvernementaux également étaient au rendez-vous. Les donateurs, quand je parle des donateurs, c'est les donateurs individuels, mais les donateurs partenaires qui nous ont donné ces fameux lots à l'encan, qui nous ont permis d'avoir 100 lots cette année. Vous disiez une valeur de 25 000, mais la valeur était de 28 000 $ cette année. À 28 000. Oui, c'est vraiment un encan record en termes de valeur. Et bien, quand on parle de valeur record, bien, si les miseurs sont présents, ça donne des bons résultats. Il y a des gens qui sont devenus membres aussi. Oui, oui. C'est important, et ça. C'est important de le mentionner parce que les cartes de membres ne sont pas comptabilisées dans ce montant-là. Il y a les donateurs, mais il y a les membres aussi. Puis, il y en a eu près de 200 nouveaux membres dans les dernières semaines. On vous applaudit. Bienvenue. Bienvenue à tous vos membres. Et cette année, c'est long, je vous fais languir. J'avais prévenu Jean-Sébastien, une grosse dose de suspense, c'est normal. Et cette année, on avait instauré justement trois façons d'être membre. Donc, la carte de membre régulière à 25 $, la carte de membre spéciale 50e anniversaire à 50 $ et la carte membre à vie de 500 $. Et cette carte membre à vie-là, il y a quand même 11 membres à vie à 500 $. Et ça nous avait été demandé dans les dernières années, c'est-à-dire on fait un don à chaque année, on renouvelle notre carte de membre, mais on aimerait ça avoir un partenariat, une association à CKRL pour la vie. Et c'est pour ça qu'on a décidé avec le 50e anniversaire d'ajouter cette carte à 500 $. Donc, il y en a eu beaucoup de personnes qui ont renouvelé le carte de membre ou qui ont adhéré à CKRL. Ça, c'est important. C'est pas juste des renouvellements. C'est important d'avoir du nouveau monde qui aime CKRL aussi, qui suivent CKRL. Donc, finalement, on en arrive jusqu'au dimanche soir. Le dimanche soir où, comme je te le disais, Jessica, ça a explosé. C'est le cas de le dire au niveau de l'encan. L'encan a explosé dans les dernières heures. T'es toi-même surpris. Oui. Je m'attendais à dépasser l'objectif. Oui. Mais le dépasser de cette façon... Ça fait plaisir. Non, je m'attendais pas à ça. Ça nous fait tous plaisir. Oui. Donc, le record précédent était en 2018. Avant la pandémie, exactement. Était de près de 49 000 $, 48 000 $. Puis ça, c'est une longue histoire, là. Donc, ça part de M. Girard, en 2015, qui était notre premier porte-parole à faire, nous avait dit, parce qu'on était toujours dans le 40 000, 41 000 $, puis il avait dit, non, ça va faire, là, le 40, 41 000, on va faire augmenter ça. Fait que de 2015 jusqu'à 2022, on oscillait entre 44, 45, on a monté jusqu'à 46, baissé à 45, monté à 48. Cette année, avec le 50e, on a dit c'est 50 000 que ça nous prend. Oui. On l'a dépassé, comme vous le savez. Mais le dépasser comme ça, j'y croyais pas. Oh, attendez! Attendez! Donc, le Radioton 2023, mais surtout le Radioton des 50 ans de cette magnifique radio unique, communautaire, culturelle, le montant, cette année, 63 375 $. Wow! Oui, c'est rare que je t'émerveille comme ça, mais là, cette fois-là, oui, là, c'est vraiment... C'est vraiment le fun. Oui, j'ai pas fait l'impérial, mais quand même, là, c'est ça, mais oui, c'est vraiment un montant historique pour CKRL. Ça prouve plusieurs choses. Ça prouve que l'auditoire de CKRL est encore présent et plus que jamais. C'est des gens qui croient en CKRL, croient en la mission culturelle et communautaire de CKRL, nous encouragent par des dons, par leur présence sur nos ondes. Les partenaires locaux sont vraiment présents. Ça, c'est le cas de le dire. Ils ont eu des années difficiles dans les deux dernières années. On n'expliquera pas pourquoi, vous le savez tous, mais ils sont de retour à CKRL aussi. Partenaires gouvernementaux croient à CKRL aussi. Ça, c'est important de le mentionner. Nos lots qu'on a eus à l'Ancan également. Je tiens également à remercier. Je veux remercier les producteurs bénévoles de CKRL, qui sont les artisans. Parce que CKRL ne fonctionnerait pas sans une programmation à 90-95% produite par des passionnés, passionnés de culture, passionnés dans ce qu'ils nous offrent sur nos ondes. Donc, je remercie grandement les artisans. Parce que ce montant-là, oui, c'est un montant qu'on a travaillé en fin de semaine, mais ça part de très loin. Ça part d'une programmation qui est unique et c'est les artisans qui la produisent, cette programmation-là. Donc, ça, c'est très important. L'équipe interne de CKRL, petite équipe interne, qui travaille comme une équipe, une équipe de 10 fois plus. De hockey. Ouais, qu'une équipe sportive, c'est le cas de le dire. Donc, cette équipe-là est merveilleuse. Je travaille avec des gens qui sont passionnés aussi, mais qui sont là également pour aider ces fameux artisans qui sont là tout au long de la semaine à CKRL et qui produisent. Le conseil d'administration de CKRL aussi, qui épaule très bien, qui m'épaule très bien au niveau de la direction, qui épaule très bien également le comité de programmation de CKRL. Donc, tous ces gens-là permettent à CKRL d'avoir cette belle réussite comme radio. Et on devient également une station qui est ambassadrice, moi je pourrais dire, pour l'ensemble des radios communautaires à travers le Québec. On est la première, mais cette première-là, je pense qu'elle va donner des ailes au milieu communautaire, au milieu culturel et à la radio en général. Donc, félicitations à tous. Ce montant-là vous appartient autant qu'à moi, autant qu'à la station. Bravo CKRL. Et là, Dany, après ce montant record qu'on a récolté au Radioton du 50e de CKRL, qu'est-ce qui s'en vient pour la station dans les prochains mois, là? Tantôt, on va manger toute la gang ensemble. Okay, déjà, oui, ce soir. C'est ça. Honnêtement, pour CKRL, c'est une continuité. Parce que moi, je le dis souvent, les gens qui écoutent CKRL, ils n'ont pas d'âge. Il y a des gens de 20 ans, de 15 ans, de 70 ans, mais ce qui les rejoint, c'est la passion de la culture, la passion des découvertes musicales, la passion de ce qu'on offre sur nos ondes. Donc, ça, il faut continuer, justement, à offrir une programmation qui est unique. CKRL a la chance maintenant d'être la propriétaire de son immeuble à Limoilou, dans un quartier incroyable, justement, en termes de culture. Et on doit continuer à offrir notre mission culturelle, mais aussi faut innover dans notre programmation. On a un montant d'argent important, on répète à chaque année, c'est pour renouveler nos équipements. Oui, on va les renouveler nos équipements, puis il faut les renouveler à chaque année parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe dessus, puis on doit les renouveler. Mais il faut également investir en ressources, en travail de création, parce que CKRL est innovateur et doit justement offrir une programmation qui est unique, et de continuer à offrir cette programmation-là. Et si on a plus de ressources, ben ça va nous permettre de le faire. Et Dany, je m'engage à ce que cette vitalité-là soit reflétée dans notre programmation d'été et d'automne. J'en suis convaincu. Pour la suite des choses, d'un point de vue un petit peu plus technique, quand et comment on obtient nos lots pour les gens qui ont misé sur notre rencontre et qui s'inquiètent là, dans les prochains jours? Est-ce qu'ils débarquent demain matin ici? J'en ai besoin pour mon rendez-vous demain, moi. Non, idéalement pas demain. Okay. Donc, c'est même indiqué sur l'encamp dans les règlements, dans ce que vous allez avoir reçu. Chaque personne qui est gagnante d'une mise, dès mardi, vous allez pouvoir vous présenter ici à la station pour récupérer vos lots d'encamp précieux que vous avez gagnés à CKRL. Quelle soirée! Quelle fin de semaine! Ouf! C'était mon premier Radioton. Je vais donc faire mes remerciements un peu à l'envers du bon sens. Je vais commencer par remercier mes collègues, en fait. Ben, premièrement, Dany, de m'avoir accordé sa confiance. Il y a quelques mois, vous étiez déjà dans le grand processus d'idéation des célébrations du 50e et je suis à ce jour honoré chaque jour de pouvoir contribuer à cette célébration-là et de pouvoir aller de l'avant avec CKRL. Je remercie également Jessica, qui est ma prédécesseure comme directrice de la programmation, qui m'a épaulé non seulement ce soir à l'animation et au cours de la fin de semaine, mais depuis mon entrée en poste. Mais sans elle, il y aurait pas eu de il y aurait eu un radioton parce que Danny est là, mais ça aurait été weird. Ça aurait vraiment été weird cette affaire-là. Disons que c'est le fun quand on a quelqu'un qui a déjà vécu oui, absolument. Cet événement-là. Donc oui, Jessica a aidé énormément et aide encore de toute façon. Oui, oui absolument. Puis c'est un exemple parmi tant d'autres. Là. Je t'ai pas lâché. Tu m'as tout montré, oui. Je remercie également Simon Roy qui... Ben, oh! Oui! Qui est directeur adjoint à la programmation et directeur adjoint musical, mais qui est aussi technicien ici, qui a passé la fin de semaine à courir partout. C'est grâce à lui qu'on a de la musique au Radioton, qu'on a de l'animation, qu'on est sur deux plateaux comme ça, que la station est en fête, littéralement. C'est à la sœur de Simon Roy qu'on doit le plaisir du Radioton ici. Donc, merci Simon. Je remercie également l'homme de l'ombre, littéralement, Yves Dubois, qu'on voit rarement avec nous. Il est rarement devant les Kodak, mais c'est grâce à lui que CKRL, jusqu'à un certain point, est CKRL. On lui doit un peu l'identité sonore et musicale de CKRL. C'est lui qui a fait les publicités. Un peu? Un peu, beaucoup. Totalement, oui. Et oui, mais tout au long de la fin de semaine, il était dans son bureau concentré à créer des thèmes. À créer des thèmes pour l'émission. Les émissions de la programmation spéciale, à nous faire des montages, des fois à 2 minutes d'avis, qu'est-ce qu'on fait dans 5 minutes, vous arrivez avec un thème, c'est un travail magique, non seulement au Radioton, mais tout au long de l'année. Donc, merci Yves. Je remercie également Caroline Stephenson, qui est l'animatrice de l'émission du matin, Les Matins éphémères, depuis plusieurs années, qui a contribué à plusieurs émissions du Radioton, à l'idéation. Elle faisait partie de notre équipe de création de la programmation du Radioton. Et Dani? Oui, Caroline, il ne faut pas oublier qu'elle est seule le matin. Hein. Puis, oui. Elle se lève demain. Elle se bat sans se battre contre quand même plusieurs stations de radio qui sont plusieurs à la recherche et autres. Donc, Caro fait un travail incroyable le matin. Donc, félicitations. Oui, pour avoir remplacé quelques petites fois c'était Caroline le matin et les animatrices au retour, donc Pamela et Hera, c'est quelque chose. Ça prend du courage, en fait, de tenir 2 heures en onde avec des invités, faire son booking, se lever chaque matin. C'est vraiment, je vous lève mon chapeau. Je dirais pas que je le referai plus, mais c'est oui, vraiment, vous relevez un défi qui me semble impossible à moi. C'est vraiment magnifique, votre travail ici. Je poursuis par rapport au Radioton. Je remercie tous les bénévoles qui sont venus nous aider au cours de la fin de semaine. C'est mon premier. J'ai appris avec Jessica à coordonner cette équipe-là. Donc, merci à tous ceux qui sont occupés de la mise en onde tout au long de la fin de semaine, qui est chacun de nos encanteurs aussi. Hein. À chaque demi-heure de la fin de semaine, des gens se relayaient à l'encan, mais principalement Christophe et Louli qui ont fait un travail colossal. Ils ont fait beaucoup d'animations. Ils ont monté des grilles. C'est vraiment... Fichier Excel, Dany était super content. Donc, Christophe et Louli et tous les autres, également les régisseurs, régisseuses, les personnes qui se sont occupées de la table de merch ici à l'entrée. Il y a eu pas mal de monde qui sont passés voir nos livres et notre matériel original avec les logos récents de CKRL. Donc, merci à vous tous et d'ailleurs, toutes. J'en profite, Jean-Sébastien, parce que là, si j'ai pas eu le temps de passer pour la fin de semaine pour acheter mon t-shirt, ce qui est vrai, j'ai même pas acheté mon t-shirt. Est-ce que c'est encore possible, Dany? Oui, absolument. Donc, tous ceux qui ont de l'intérêt pour notre nouvelle marchandise, avec le nouveau logo, nouvelle couleur, notre chandail officiel du 50e anniversaire, vous pouvez passer l'acheter à CKRL et passer nous voir en même temps et voir la station et voir peut-être vos animateurs, animatrices que vous écoutez. Et peut-être un jour, sur le conseil d'un ami animateur ici, Dominique Gérard, avoir une boutique en ligne, pourquoi pas, pour vous procurer cette belle marchandise-là. Hein? Innovation, vous l'avez dit, un jour, là. Pourquoi pas. Faites attention. Je remercie également nos photographes au cours de la fin de semaine, Jacques Boissineau, Carbeau et Jacques Boivin, qui ont couru partout pour vous montrer comment ça se passait ici avec leur photographie magnifique. Merci également à chacun des artistes qui sont venus en entrevue, en prestation au cours de la fin de semaine. Ce fut apprécié par notre public et par moi personnellement. Quelle belle fin de semaine en musique et en humour. On a beaucoup ri, on a beaucoup... pleurer, ce serait un peu too much, mais on a beaucoup apprécié. On a dansé, on a ri. Merci à tous nos auditeurs, à tous nos donateurs au cours de la fin de semaine. Ça a bougé. C'est pas pour rien qu'on a atteint ce montant-là. Vous étiez à l'écoute, vous avez misé sur notre encan. Merci à vous tous. Et c'est pour vous qu'on travaille. On va essayer de ne pas vous décevoir pour la suite. Et voilà. Et merci également. Et pour finir, nos porte-paroles du Radioton de cette année. Premièrement, notre porte-parole à faire, Robin Plamondon, directeur général de Cinéma Le Clap. Je ne sais pas si Robin a eu ses mises. On s'est un petit peu battu sur le massage d'Amassan. Mais en tout cas, j'espère que tu as eu quelques lots, Robin. Là, je vais arrêter de m'éterniser. Je sais que Louis-Adrien veut aller voir Kit Kuna plus tard, là. Ça commence à être long, mon affaire. Ensuite, notre porte-parole artisan cette année, tout spécialement, M. Denis Lelièvre. Merci, Denis. Oui. Et finalement, nos co-porte-parole artistes, Paul-André Cassidy, qui est avec nous. Merci, Paul-André. Paul-André, comme j'en parlais en introduction d'émission, nous a préparé une playlist spécialement pour les 50 ans de CKRL. 50 chansons pour 50 ans de CKRL, c'est à peu près ça le nom. Je l'ai pas débaptisé. Et c'est ce qui va suivre l'émission spéciale de clôture dès 20h et quelques. Vous pourrez écouter, c'est 3h et presque et demie de musique francophone, mais aussi anglophone. Presque juste francophone, qui représente 50 ans de radio à CKRL. Il y a aussi des pièces, des artistes qui nous ont accompagnés au cours de la fin de semaine, donc écoutez ça jusqu'au tout milieu de la nuit là, en musique à CKRL. Donc merci Paul-André et finalement merci à Louis-Adrien Cassidy d'avoir été avec nous en prestation ce soir. Où est-ce qu'on va pouvoir te voir en spectacle dans les prochains mois, Louis-Adrien? Je pense qu'il y a tout ça sur mon site louisadriencassidy.com puis sur les réseaux sociaux. La tournée est comme en début de fin, en tout cas, c'est en train de finir tranquillement. On fait quelques festivals cet été, je retourne en Europe, puis tout, on arrête tous les spectacles en août pour me permettre de me concentrer sur l'écriture de mon prochain album et un autre projet de tournée très très excitante que je ne peux pas vraiment. C'est pas dévoilé, ça? Mais c'est un peu dévoilé, mais c'est pas tant dévoilé dans le fond. Avec d'autres artistes, un projet avec deux autres artistes que j'adore énormément. On va faire une petite tournée. On refait un spectacle qu'on a fait au Francofolie l'été dernier. Donc, ceux qui savent, savent. Puis, je suis comme en semi-dévoilement. Mais je donne un indice. Tu l'as cité plusieurs fois pendant l'émission, le nom d'une de ces artistes-là. Oui. Donc, faites vos recherches. Puis, un autre qui joue avec moi, c'est à la scène, puis il joue de la guitare, puis les cheveux longs, puis il s'appelle Thierry Larose. OK, parfait. Et plusieurs personnes te verront. Deux personnes, en fait, qui ont mis à l'encore te verront à Tadoussac cet été. On en a parlé pendant l'émission. Oui. Hein, donc, profitez-en, allez la voir. C'est un super beau spectacle. Et à Québec, on pourra se reprendre à l'automne, le 11 novembre prochain, au Théâtre Petit Champlain. C'est vieux, ça, non? Non, mais je pense que c'est pour le truc. Mais ça affiché sur ton site. C'est annoncé, mais c'est parce qu'on a comme pas encore officiellement annoncé. Fait que là, j'angoisse comme sur à quel point qu'on l'annonce. C'est affiché sur ton site web. Non, mais ouais, puis il y a des dates qui sont vraiment. Les billets sont en vente. Fait que c'est ça l'affaire, mais c'est pas clair. J'ai pas fait encore notre publication. C'est KRL, on a plein de secrets en commun. OK, fait qu'on va refaire une tournée du spectacle Le Roi, la Rose et le Loup qu'on a fait au Francofolie de Montréal l'été dernier. Une petite tournée. Checkez ça, j'en dis pas plus. Je te dis. Mais en attendant, Jean de Québec, qui avait assisté au triomphe d'Impérial Belle ou qui l'avait manqué comme un toto, comme moi, pour ne pas le nommer. Inacceptable. Il vous reste quelques secondes pour assister à une prestation de Louis-Adrien Cassidy ici même à CKRL. Oui. Et c'est avec ça que nous conclurons notre Radioton 2023 triomphal. Oui. Louis-Adrien nous interprétera un extrait de son plus récent album, Le Serpent me guette. Allô, oui. Oui, le serpent nous guette. On continue en acoustique. On n'a malheureusement pas de Fender Bass encore, mais l'année prochaine. C'est ça. OK. Deux. Oui, le serpent nous guette depuis longtemps. Non, on n'est pas plus fort qu'avant. Si j'ai peur à qui la faute, si c'est nous contre les autres.

voici que je regarde, que j'écoute et que je sais qui je suis. Je sais qui je suis.